Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver ce matin. C'est parti, Mickaël à la radio, de retour, en pleine forme. Alors Oulala, ne t'emballe pas, tu n'as pas l'air franchement. Ah non, mais j'ai extrêmement mal dormi, j'avais de la fièvre toute la nuit en fait. C'est-à-dire, hier j'ai envoyé un message sur Twitter en disant que j'étais en mode grippe aujourd'hui. Donc j'avais prévu de venir, heureusement quand même, hein, mais bon. J'avais quand même prévenu l'homme en disant écoute, au cas où vraiment je suis au bord de la mort, on sait jamais. Ouais. Donc voilà, donc l'homme est là également, donc il n'y a pas de problème. Et puis Julie aussi en pleine forme, ça va bien? Moi, ouais, ça va, moi je me suis bien reposée. Eh ben écoute, tant mieux. Non, mais nous ça va, hein, y a pas de soucis. Toff, bah, je peux. Ah, bah Toff est là, tiens. Toff est déjà là. Bah oui, Toff est là, exactement. Pour une fois, il n'était pas la machine à café, ça change? Bah oui, ça change là. Non, je pensais à Julie. Ah oui, c'est ah, ça. Tu pensais à moi? Ouais. Je t'ai manqué, hein, c'est non. Fait. Ah, ouais. Bon, 6h24, j'espère que vous avez passé un bon week-end, tout le monde, sous le soleil. En tout cas, il a fait bon ce week-end, en tout cas, hein, pour un mois de novembre, quoi qu'il en soit. Ça a été plutôt pas mal. Et donc, bah, lundi aujourd'hui, le 7 novembre, on est là jusqu'à 9h30 ce matin, avec plein de messages, plein de choses à faire également. Avec la ligne anti-relou qu'on aura l'occasion évidemment d'écouter tout à l'heure. Il y a Toff qui va faire chier du monde aujourd'hui. Bien sûr. En deux mots. Aujourd'hui, c'est la lutte finale, la révolution va commencer. Ah bon? Voilà. Voilà, je tenais à vous l'annoncer maintenant, mais... D'accord. Nous allons rassembler du monde tout à l'heure. Très bien. Bon, ben voilà, on essaiera, on verra ça d'ici 30 minutes à peu près. On aura les infos de Julie avec des mauvaises nouvelles, hein, en règle générale. Bah oui. Bah voilà, c'est ça. C'est un peu le point noir de cette émission, Julie, en fait. Elle apporte que des mauvaises nouvelles. C'est le chancre de l'émission, ouais, il faut le savoir. Ça. On essaie d'être de bonne humeur, tu vois. Ouais, de, hein, ah oui, alors il y a eu 162 morts, il y a eu des morts et des morts, et il n'y a pas d'argent et des morts et des morts. Il va pleuvoir, et il fait mauvais. Bon, enfin bref. Donc voilà, c'est un petit peu ça, en fait, Julie aussi, pour ceux qui viennent de débarquer. D'ailleurs, dans le métier, on l'appelle Miss Déprime. Oui, voilà, c'est ça. Bon, salut également tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent sur Facebook et sur Twitter. Et Mickaël officiel sur Twitter ou sur Facebook si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Et on salue tout le monde, il y a Brian qui est dessus, il y a Laetitia également, il y a Aurore, il y a Jonathan, Valentin, Virginie et tous les autres. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous savez comment ça marche maintenant, vous nous envoyez votre petit message donc sur Facebook ou sur le Twitter et Mickaël officiel. On aura des écrans plats à vous filer aussi avec la petite devinette qui colle. On vous remboursera vos factures aussi comme chaque matin au 6322 code facture, et nous aurons aussi des places pour aller direction le Starfloor. Le Starfloor, c'est le gros événement qui va avoir lieu donc à Paris, le gros événement de la fin de l'année avec pas mal de monde, hein. Il y aura Florida qui est prévu, Ina, Tayo Cruz, Jason Derulo, il y aura Nicole Scherzinger, Colonel Rayel, Lucenzo, Alexandra Stan, Antoine Clamaran, Pitbull, et toutes les infos sur funradio.be. Bref, on aura des places, ça se passera le 26 novembre, c'est un samedi, et des places à vous filer pour le Starfloor, ce sera tout à l'heure avant 9h30. Et attention, petite question maintenant, la devinette qui colle, écoutez bien, ça c'est pour gagner les écrans plats ou les packs Nintendo Wii. Jamais en retard, il est souvent pressé. En rondelles, il peut être découpé. Par lui, une couleur est qualifiée. Avec le poisson, il peut se mariner. Qui est-il? Il existe en deux couleurs. Voilà. Il y en a pour les mojitos par exemple, hein, qu'on doit prendre une couleur bien précise. Et puis sinon, en règle générale, il est d'une couleur couleur standard. Voilà. Si vous avez, c'est un petit peu acide aussi d'ailleurs. Ouais. Ça ne se mange pas tout seul en général. Alors faut vraiment être con. Hein. Si vous avez la bonne réponse, donc 6322. Ouais, mais enfin tout seul, c'est quand même violent. Dans un bon verre d'eau le matin, il paraît que c'est très bon pour la santé. Ou alors mélanger avec un peu jus d'orange pressé également. Dans du Perrier. Un petit peu. Ouais, dans du Perrier aussi. Bon, la bonne réponse au 63-22, donc bonne chance tout le monde, je répète. Jamais en retard, il est souvent pressé. En rondelle, il peut être découpé. Par lui, une couleur est qualifiée. Avec le poisson, il peut se mariner. Bonne chance tout le monde, 63-22, c'est 1 € le message. Et on va s'écouter le son de David Guetta dans un instant. David Guetta avec Saya. À 6h27, David Guetta et Saya dans un instant avec Titanium. Et puis là, il est l'heure de passer à l'info en avance. 6h28 maintenant. Heureusement c'est que l'info je suis prête, hein. Avec Julie. Oh, dis donc, attends, ça va. Parce qu'avec toi. Fonctionnaire. Oui, bien sûr, tout à fait. Les salaires belges augmentent trop. Les salaires des travailleurs belges ont augmenté cette année beaucoup plus que ceux de leurs collègues dans les pays voisins. Pas le mien en tout cas. Mais c'est vrai. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien flamand Hot News Blatt. Dans son rapport annuel, le Conseil central de l'économie compare les hausses de salaires intervenues en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Depuis 1996, les salaires en Belgique ont augmenté de 4,6% de plus que dans les pays voisins précités. Une des explications provient de l'absence d'index dans les pays voisins. Le bijoutier Desneux a-t-il agi en état de légitime défense ? L'avocat de l'un des deux braqueurs, blessé par balle, émet des doutes. Selon lui, son client avait le dos tourné lorsqu'il a été touché à la main. Il s'est étonné de la rapidité avec laquelle la reconstitution des faits a été organisée dès vendredi soir. Selon l'avocat, organiser une telle reconstitution dans les 48 heures après les faits est particulièrement exceptionnel. Le premier ministre socialiste grec Georges Papandréou quitte le pouvoir. Il va laisser la place à un gouvernement de coalition après un accord trouvé hier soir entre les deux principaux partis politiques. Le nouveau gouvernement sera chargé de mettre en œuvre le plan européen anti-crise décidé à Bruxelles fin octobre avant des élections prochaines en Grèce. Antonis Samaras, leader de l'opposition de droite, et Papandréou auront un nouvel entretien aujourd'hui pour désigner un nouveau Premier ministre et faire ensemble la composition du gouvernement. En France, un père dépressif a mis fin à ses jours et ceux de ses deux enfants en incendiant sa maison hier soir en Haute-Savoie dans ce qui s'apparente à un nouveau drame de la séparation. Une lettre dans laquelle l'infirmier dans un établissement psychiatrique en Suisse annonçait son intention de se suicider avec sa famille a été retrouvée par les enquêteurs. Et puis Océane, la petite fille de 8 ans habitant à Bellegarde dans le Gard, portée disparue depuis samedi soir, a été tuée à l'arme blanche. L'enfant porte des traces de coups de couteau et on s'oriente clairement vers une piste criminelle. Le corps a été découvert en partie dénudé, mais pas complètement, dimanche matin par une riveraine. Et puis enfin en sport football, en 13e journée de championnat, le Cercle de Bruges s'est imposé face à Anderlecht 2-1 et le Standard a battu le FC Bruges 1-0. J'ai cru entendre l'homme qui faisait un petit râle. Le seul liégeois pour les mauves. Mais oui, je pensais que il est pas pour le Standard. Ah non, il est pas pour le Standard lui, c'est un rebelle. Il faut le faire, d'accord. 6h30 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. Dans un instant, on écoutera David Guetta aussi, Saya Titanium. La semaine débute sous la grisaille. Aucune province n'y échappera et les maigres chances d'éclaircies intéresseront les régions de la Campine aux Hautes-Fagnes. Légère baisse des températures de 9 à 13 degrés. Demain, même menu pour la journée. Très bonne nouvelle donc. Ah oui, parfait. Ah ouais, super. Il est 6h31 sur Fun Radio. Tu trouves pas qu'avec cette maladie, j'ai la voix qui a changé? Plus grave, ouais. Plus belle. Eh oui, t'as vu, ça peut même exciter Julie. Non, pas du tout. T'as vu un petit peu comment elle est là ? Regarde, les yeux qui pétillent et tout ça. Oh là là, n'importe quoi. Hein ? De nouveau, ouais. C'est dans tes rêves. Il doit y avoir de ça. Réveille-toi, Mickaël. Non, je suis déjà bien réveillé, t'inquiète pas. Bon, 6h31 sur Fun Radio, comme je le disais. On va donc maintenant, évidemment, passer à Info en plus. Alors, on sait que nous sommes beaucoup, beaucoup à utiliser Facebook et d'autres sont plus accros que certains. Ah oui. En tout cas, une Américaine a incendié la maison de son amie juste parce qu'elle l'avait retirée de sa liste de contact sur le réseau social. Normal. Donc, voilà. C'est normal. Brûlez les maisons de vos voisins s'ils vous retirent de Facebook. Voilà, les États-Unis font partie des pays qui utilisent le plus Facebook sur la planète et c'est pour certains, ça leur monte un petit peu à la tête. Donc, c'est normal, c'est le seul moyen qu'ils ont de communiquer avec les gens là-bas. C'est le cas de cette Américaine donc de 30 ans, Jennifer. Ça se passe dans l'Iowa. Et donc, elle a même pété un plomb, vu qu'elle a mis quand même le feu à la maison de son ancien ami de Facebook. En fait, elle s'était disputée avec Nikki, son ami, pour l'organisation d'une fête d'anniversaire. Comme ça, vous avez tous les détails. Nikki a viré Jennifer de sa liste d'amis Facebook. Et Jennifer. Du coup, l'autre, elle a fait un feu d'artifice. Voilà, c'est ça. Jennifer l'a très mal pris et elle a foutu le feu à la maison de Nikki. Non, mais il y a des gens, ils ont vraiment des problèmes quand même. Et donc, maintenant, il va falloir qu'elle paye 72 000 euros pour les dégâts. Sans déconner. Voilà. Mais je m'y attendais pas, je comprends pas. Ça va. Donc, elle est partie pour un prêt sur 20 ans, je pense. Ouais, c'est ça, à peu près. Hein. Non, écoute, en même temps, elle aura le temps de réfléchir comme ça sur 20 ans, la connerie qu'elle a faite. Sinon, on peut faire des travaux d'intérêt généraux, elle répare elle-même. Oui. Ah, oui, pas mal. Ouais, mais enfin, si tout le truc est de travers, si tu veux, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Oui, mais elle aura réparé, elle aura donné de sa personne. C'est vrai. Bon, je répète la petite devinette là. Jamais en retard, il est souvent pressé. En rondelles, il peut être découpé. Par lui, une couleur est qualifiée. Avec le poisson, il peut se mariner. Qui est tactile. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez votre message au 6322, c'est 1€ le message, et vous repartirez avec eh bien avec un écran plat peut-être, ou avec un pack Nintendo Wii. Jamais en retard, il est souvent pressé. En rondelles, il peut être découpé. Par lui, une couleur est qualifiée. Avec le poisson, il peut se mariner. La bonne réponse au 6322. Et bonne nouvelle, il faut juste qu'on l'active, mais on a un numéro également pour tous nos amis qui nous écoutent au Grand-Duché du Luxembourg. Ah, j'adore, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, il faut quand même encore l'activer, donc... Non, non, mais ça sera fait dans 5 minutes, là, t'inquiète. Ah, d'accord. Oui, dans 5 minutes, je vous donne un numéro de téléphone, enfin, un numéro de SMS aussi, où tous ceux qui nous écoutent depuis le Grand-Duché du Luxembourg pourront également participer, car on a beaucoup de plaintes, disant « Oui, mais on n'arrive pas à jouer !» Bah oui, forcément. Donc là, maintenant, ça va fonctionner d'ici quelques minutes. Voilà, comme ça, vous le savez. Et on écoute le son, comme promis, de David Guetta, maintenant, avec Saya Titanium sur Fun Radio. Il est 6h34. Bon réveil, c'est Mickaël à la radio. Sur Fun Radio, pas de retour de vacances. Contrairement aux autres radios, on ne vous a pas abandonné comme des vieilles merdes. Nous sommes restés fidèles au poste, tous les jours à 6h30. C'est Fun Radio, il est 6h37. Bon réveil tout le monde, c'est lundi le 7 novembre. Ce matin, on écoutera DJ Fresh dans un instant avec Loader. Et puis on va parler de Kelly Rowland maintenant. Qu'est-ce qui lui arrive à Kelly Rowland? Kelly Rowland. On l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure. Pour ceux qui ne situent pas vraiment, parce qu'on l'entend beaucoup, elle a fait d'ailleurs avec un duo avec David Guetta qui a pas mal fonctionné. Et Kelly Rowland, c'est une ancienne de Destiny's Child, donc du groupe où était également Beyoncé. Donc elle est très proche de Beyoncé. D'ailleurs, on pense qu'elle va être la marraine du futur bébé de Beyoncé. Mais apparemment, Kelly n'est pas une très très bonne copine, parce qu'elle aurait malencontreusement révélé le sexe du bébé aux journalistes. Oh, quel drame. Je croyais qu'elle lui avait offert un cadeau de naissance, tu vois, genre un petit peu de drogue ou un truc comme ça. Un petit peu de drogue, enfin. Oui, un petit peu pour mettre dans le biberon. Ah, bah d'accord, pardon, je ne connais pas ce système. C'est pour endormir le bébé, j'imagine, le soir, pour le calmer. Ou alors, elle aurait pu donner Beyoncé, c'est pour que, comme elle l'allait au sein, j'imagine qu'il y a un peu de résidu, quoi. Regarde l'homme, il a eu de la bière dans son biberon. Très bien, très bien. Comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. C'est un petit peu sale, c'est vrai. Il a même un peu le physique d'Obélix. Non, ça va aller. Quoi. La grossesse de Beyoncé, donc, est sans doute l'une des plus médiatisées. Il y a plein de rumeurs comme quoi c'est une fausse grossesse, etc. Enfin bon, apparemment, si elle attend vraiment un bébé, ce serait une petite fille. Donc, Kelly a lâché le morceau aux journalistes. Et il y a aussi une autre preuve, c'est que Beyoncé. Pour le bébé quand même, d'après le morceau. Une autre preuve, c'est quand même Beyoncé a commandé une paire de Louboutins roses pour son enfant. Ah bah bien sûr, Louboutins, c'est des espèces de chaussures avec une semelle rouge mais super haute. Ouais, c'est des chaussures à talons, pour les filles, forcément. Super super hautes, et apparemment ils font des Louboutins pour bébé. Hein, bien sûr. Quand est-ce qu'il va réussir à mettre son pied là-dedans? Je crois que c'est juste pour la classe. Hein. C'est pour dire. C'est juste pour dire, j'ai des loups boutins. Enfin, mon bébé a des loups boutins roses. Ouais, voilà. La naissance du bébé est prévue pour 2012. Donc, apparemment, ce serait une petite fille. D'accord. Ah bah, quelle bonne nouvelle. Tiens, pour ceux qui viennent de se lever maintenant, je suis sûr que votre journée se passera beaucoup mieux maintenant. Ah, mais oui, maintenant, tout le monde se sent beaucoup mieux. Et tout a changé, évidemment. Et évidemment. Ça, avec plaisir. Il est 6h39 sur Fun. Je vous rappelle la devinette qui colle. Je vous rappelle aussi qu'il y aura les places à gagner pour le Starfloor, l'événement qui va tout déchirer, je pense, fin du mois de novembre à Paris avec pas mal d'artistes. Les places à gagner, ce sera tout à l'heure évidemment, et peut-être aussi pour vous la possibilité de gagner le meet and greet, c'est-à-dire vous allez pouvoir le rencontrer, Jason Derulo. Ce sera à l'occasion du Starfloor, bien sûr. Et oui, bon, alors attention, je vous répète la devinette qui colle. Ça, c'est pour les écrans plats ou les packs Nintendo Wii. Jamais en retard, il est souvent pressé. En rondelles, il peut être découpé. Par lui, une couleur est qualifiée. Avec le poisson, il peut se mariner. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, 6322, petit indice, il existe en deux couleurs. Entre autres en vert. Voilà, c'est pas le plus connu, mais entre autres en vert, c'est plus pour les mojitos en vert. Ouais. Par exemple, entre autres, après on peut l'utiliser pour autre chose, mais pour les mojitos, c'est plutôt en vert qu'on l'utilise. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi? On peut le mettre dans le jus d'orange, un petit peu. Quand tu manges des croquettes aux crevettes. Ouais, tu peux mettre un petit peu dessus. Du poisson également. Sur la Corona ou la Desperados aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, comme par hasard, comme par hasard, il parle de la Corona ou de la Despé. Bon, voilà, si vous avez la bonne réponse, 63 22 par SMS, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Puis à 6h40, on va s'écouter dans un instant, comme promis, le son de DJ Fresh pour bien vous sortir du là. Pour bien vous sortir du lit, bande de paillasses. Et oui, sortez du là, car tout le monde dort dans un là. Je sais pas ce que c'est, mais ça peut être une bonne invention. Ça arrive dans un instant sur Fun. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde. Il est 6h45, on va parler de l'infotrafic maintenant. Bien qu'à cette heure-ci, normalement, il ne devrait pas se passer grand-chose. Il y a juste un accident sur le 314 Lumen vers Leuven. C'est la bande d'arrêt d'urgence qui est bloquée. Très bien, et si vous êtes témoin d'un petit problème sur les routes, que ce soit un bouchon, un accident ou même un petit radar qui serait planqué, on ne sait jamais, n'hésitez pas à nous transmettre l'info, évidemment, nous transmettre l'info pour faire péter la Fun Solidarité pour aider les autres auditeurs de Fun Radio. Il suffit simplement d'envoyer votre petit message au 3044 par SMS ou alors vous me faites directement un mail mikael@funradio.be ou encore si vous avez un Twitter, vous faites péter un petit message. Pour ça, il suffit de nous suivre sur mikaelofficiel. Voilà, puis on va se faire maintenant la ligne anti-relou et sachez que les problèmes sur les routes, on en parle effectivement à l'heure moins quart, mais on peut en parler à tout moment. Si jamais il se passe quelque chose, ça tombe sous le sens. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et voilà, 6h46, nous passons maintenant à la ligne anti-relou. La ligne anti-relou chaque matin à 7h, 8h et 9h moins quart avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur ce répondeur. Le 0 473 86 00 13, numéro de la ligne anti-relou, ça sert à quoi? Bah, ça sert à vous débarrasser de tous les relous que vous pouvez éventuellement rencontrer, que ce soit, je sais pas, dans un bar, en boîte, ça peut être au travail également, avec votre patron, des collègues, même vos profs, pourquoi pas. Dès que quelqu'un vous prend la tête, eh bien donnez-lui le numéro de la ligne anti-relou. Je parle pour les étudiants qui retournent à l'école aujourd'hui d'ailleurs, bon courage. Si par exemple vous vous faites griller à faire une connerie et que votre directeur vous demande bah, donne-moi le numéro de tes parents, bah, tu lui donnes le numéro de la ligne anti-relou. Voilà, comme ça il tombera dessus. Et puis nous on va écouter ça évidemment tous les matins, on se fera un grand plaisir d'ailleurs. On va d'ailleurs écouter le premier message ce matin, écoutez bien. Oui, comme je vois, tu viens de retirer 330 euros au bingo. Donc pour l'instant, tu peux mettre une tournée générale. On se voit quand tu veux, à n'importe quelle heure. Ok, allez, à plus, hein. Non, t'as mon numéro, bonsoir. Merci. Je n'ai rien compris. Ah, moi non plus. Quelle était sa demande? J'ai compris bingo. Je ne sais pas. Non, oui, bingo, je crois qu'il voulait une tournée générale. Ah, parce qu'il a certainement dû croiser la personne qui a gagné au bingo. Il s'est dit, ah bah donne-moi ton numéro, comme ça on fait la tournée générale la prochaine fois. Mais il a bien réagi, le gars. Bah, deuxième... ouais, il a payé la tournée de sa poche. Ouais, deuxième message laissé sur la ligne en Tirol ce week-end. Bon, ouais, salut, hein. Je t'attendais, hein, rendez-vous, mais bon, le temps que tu n'es pas là, je vais attendre un autre, quelqu'un d'autre. Oui, en même temps, vu le téléphone qu'il a, je pense que la personne, même si elle l'avait eu au téléphone, n'aurait rien compris. Non, mais c'est bien, c'est un mec bien, parce que tu vois, le mec, il a, comment dire, il attend quelqu'un, il vient pas, il se dit c'est pas grave, j'attends quelqu'un d'autre. Oui, voilà, c'est ça, c'est vachement pratique. Non, c'est sympa. Mais oui, c'est pratique. Et puis, troisième message laissé sur la ligne anti-relou. Ouais, bonjour, mon petit chat. Tu sais, quand on dit l'on est, on pense toujours à nous, oui. J'aimerais que tu viennes me retrouver pour ma petite creuse. Alors ça me fait plaisir, rappelle-moi plus vite car j'ai tellement envie de toi. Merci. Et puis ça donne envie, hein. Oh là là, une voix pareille. Hein. Oh, quelle horreur. Ah, ça t'appelle et tout ça, t'es excité quoi. Hein. Ah oui, t'as envie là. Oh, un truc de dingue. Bon, il est 6h48 sur Fun Radio. Tiens, message de Phil qui dit tiens, salut, j'ai pas reçu les grands plats gagnés il y a 2 mois. Bah écoute, envoie-moi un mail, c'est pas normal parce qu'ils sont partis normalement. Hein. Envoie-moi un mail, mikael@funradio.be. On va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. 6h49, bon réveil tout le monde. Dans un instant, c'est Tof qui va faire chier le monde, comme chaque matin, avec une grande information. Ce matin, je vous en dis plus après. DJ Fresh, Louder sur Fun. C'est Fun Radio, il est 6h52. Bon réveil tout le monde avec et bien plein de messages qui arrivent évidemment au 30 44 et au 63 22 puisque j'avais la petite question que je vous ai posée tout à l'heure et je l'ai toujours d'ailleurs pour repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Jamais en retard, il est souvent pressé en rondelles. Il peut être découpé par lui, une couleur est qualifiée. Avec le poisson, il peut se mariner. Effectivement, on en met sur le poisson, on peut en mettre dans la DSP aussi. On peut en mettre dans le Morito, mais à ce moment-là, il sera vert. Si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce qu'on cherche ? Qui est-il ? 6322 par SMS, c'est 1 euro le message. Et on vous rappelle dans quelques minutes, peut-être en direct, pour vous offrir eh bien, votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii. Bon, alors, on appelle qui et pourquoi ce matin, Tof, alors ? En fait, je proposais aux gens de rejoindre l'intersyndicale pour une diminution du salaire des politiques. Ouh là là ! C'est-à-dire ? Ouais. En fait, j'imagine que comme tout le monde, vous avez reçu via Facebook, par mail ou limite par pigeon voyageur, normalement vous avez dû le recevoir, c'est ce magnifique message qui dit « L'Europe manque d'argent, point d'interrogation, une solution, 577 députés, 343 sénateurs, 30 ministres et secrétaires d'État pour la France. Si on baissait leur salaire de 1000 euros, on gagnerait 950 000 euros par mois. » Et donc multiplié par 12, 1 million, machin, blablabla. 11 400 000 euros par an. Ouais, on économiserait si on diminuait juste pour les politiques français, voilà. 1000 euros par mois. C'est-à-dire rien.

Les salaires en Belgique ont augmenté de 4,6% de plus que dans les pays voisins. Une des explications provient de l'absence d'index dans les pays voisins. Le bijoutier Desneux a-t-il réagi en état de légitime défense? L'avocat de l'un des deux braqueurs blessés par balle émet des doutes. Selon lui, son client avait le dos tourné lorsqu'il a été touché à la main. Il s'est étonné de la rapidité avec laquelle la reconstitution des faits a été organisée dès vendredi soir. Pour rappel, mercredi, le bijoutier a tué l'un de ses deux agresseurs, âgé de 18 ans, blessant l'autre à la main. Politique, les négociateurs se réunissent en séance plénière dès 14h30 afin de discuter du budget. Le Premier ministre Yves Leterme met la pression sur le formateur Elodie Rapo. Il faudrait boucler le budget pour la semaine prochaine, sinon le Parlement n'aura pas le temps de l'entériner avant la fin de l'année. Bruxelles compte 15% de librairies de moins qu'en 2003, passant de 695 à 588. La baisse du nombre de librairies a surtout touché Woluwe Saint-Lambert, Woluwe Saint-Pierre et Auderghem. Le fonds flamand de l'innovation fonctionne à perte. Ce fonds flamand pour l'innovation insiste financièrement les entreprises naissantes à capital à risque. Depuis 2006, le fonds a injecté quelque 18 millions en capital d'investissement, mais il a enregistré un déficit de plus de 2 millions d'euros. Le Premier ministre socialiste grec Georges Papandréou quitte le pouvoir. Il va laisser la place à un gouvernement de coalition après un accord trouvé dimanche soir entre les deux principaux partis politiques. Le nouveau gouvernement sera chargé de mettre en œuvre le plan européen anti-crise avant des élections prochaines en Grèce, prévues le 19 février. Antonis Samaras, leader de l'opposition de droite, et Papandréou auront un nouvel entretien aujourd'hui pour désigner un nouveau Premier ministre et faire ensemble la composition du gouvernement. Sport football en 13e journée de championnat. Le Cercle de Bruges s'est imposé face à Anderlecht 2-1 et le Standard a battu le FC Bruges 1-0. Exactement, 7h03 sur Fun Radio. Restez bien chez nous. Dans un instant, c'est Rihanna qui arrive avec Calvin Harris et We Found Love. Mais avant cela, c'est la météo. La semaine débute sous la grisaille. Quelques éclaircies dans les régions de la Campagne Haute-Fagne. Température en baisse de 9 à 13 degrés demain. Même menu pour la journée. Eh bah, bon courage tout le monde. Je vous explique encore une fois comment faire pour vous faire rembourser vos factures dans un instant sur Fun Radio. Restez avec nous. Fun Radio. Fun Radio. Il est 7h04 sur Fun Radio. Il y a Rihanna qui arrive dans un instant avec Calvin Harris. Et pour le remboursement de vos factures, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer votre message facture, le code facture, au 6322 avec le montant et l'objet de la facture. On vous rappelle dans quelques minutes, dans 5 minutes, pour vous rembourser vos factures. 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on rappelle qu'il y a un nouveau numéro pour le Luxembourg aussi, pour ceux qui habitent là-bas. 621-773-255, c'est le numéro pour nous envoyer le code facture également, pour que vous aussi, vous puissiez vous faire rembourser vos factures. 621-773-255. Bon, l'info en plus, c'est laquelle, Julie? Ça y est, le Monde a sa nouvelle Miss. Miss Monde 2011 a été élue et hier. Et c'est Julie? Ah non. Ah, pas du tout. Ah, pensais. Je pense qu'il n'y avait pas de... Ouais non, tu vois bien que n'est pas vraiment le look non plus d'une Miss Monde. C'était pour être poli. Mais oui, j'ai bien compris que tu essayais de me lancer un faux compliment. Alors, c'est dommage que Toff soit la machine à café, mais c'est pas grave, j'en reparlerai tout à l'heure. Rien que pour lui, c'est Miss Venezuela, Iviane Sarkos, âgée de 22 ans. Je crois que Sarkozy, putain, tu m'as fait peur. Non, Sarkos, secours, 22 ans, qui a remporté le titre de Miss Monde devant plus d'une centaine de concurrentes au cours d'une cérémonie qui s'est donc déroulée à Londres hier, marquant le 60e anniversaire de la compétition. Ah ouais. Alors, je peux pas non plus t'en parler sans la décrire un petit peu, ce serait pas juste. Donc, la jeune femme a des longs cheveux bruns et des yeux couleur jet. Elle est couleur diplômée, G. Oui, couleur G, ouais. Elle est diplômée en ressources humaines et employée dans une société. Ah bah tiens, audiovisuel, à mon avis. Tiens donc, ça sera bientôt à la télévision. Ah ouais, des chances, ouais. Donc voilà, et Miss Monde a quand même été suivie par 1 milliard de téléspectateurs dans 150 pays. C'est énorme, alors qu'on sait qu'en Belgique, Miss Belgique a dû être, voilà, ne passe plus à la télévision parce que ça ne réunissait pas assez de téléspectateurs, alors que Miss Monde en a réuni quand même un milliard. C'est pas mal, beau score, hein. Bel audimat. Ils doivent être contents, les gens. Bravo à Miss Venezuela. Et c'est Miss Philippines qui est deuxième et Miss Porto Rico qui est troisième. Très bien. 7h06 sur Fun Radio, on vous rembourse les factures dans quelques instants et on écoute le son de Rihanna maintenant et Calvin Harris. Bon réveil tout le monde, c'est We Found Love. 7h09 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Effectivement, on vous rembourse vos factures tous les matins. Tiens, il y a un message qui est arrivé pour Julie, qui c'est Patrick qui dit c'est le contraire pour le foot, c'est 2-1 pour les rouges. Voilà, donc apparemment tu aurais dit une erreur, une connerie. Merci Patrick, j'ai effectivement interverti les deux scores. Ah bah voilà. Moi et le football. Ah bah voilà, ah bah voilà. Mais j'ai dit qu'il avait gagné, là je me suis pas trompée. C'est vrai, c'est bien Anderlecht qui s'est fait battre. Tiens, ouais, ça c'est pour toi Lob, ça fait plaisir. Merci encore. Et le Standard qui a gagné. C'est ça. Mais c'est vrai que le Standard a gagné 2-1. Et oui, parce que chez Julie, le Standard ou n'importe quelle équipe peut gagner avec moins de buts que l'autre. Mais oui, c'est parce que Julie ne comprend rien, les fans de pétanque. Non, j'ai dit le Cercle de Bruges s'est imposé 2-1. Non, c'est 1-0. J'avais dit le Standard a gagné 1-0. Et non, c'est 2-1. Donc j'avais dit la. Non, j'avais donc sinon, juste demain, interverti un peu les voilà, scores. Bon, d'accord. Voilà, donc demain, il y aura plein soleil. La Belgique est rentable. Il y a trop d'argent en Belgique. Voilà, c'est ça. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai mal avec le football. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue, c'est. Allez, à 7h10, il y a eu pas mal de messages. 60 000 euros pour une formation de pilote de ligne. Oui, mais oui. Écoute, pourquoi pas. Hein. Faut les faire pareil, mais 60 000 euros, c'est un peu cher. Bah, si on te rembourse, est-ce qu'on peut voyager gratuit? Ah, c'est ça, parce que ça peut être rentable. 120 euros pour les Travels, il y a quoi aussi? 67,50 € pour l'électricité, 184 € pour l'assurance habitation, 84 € pour Yves Rocher. Et on va appeler maintenant quelqu'un pour un petit remboursement de 34,79 €. C'est pour des fleurs, a priori. Bon, eh ben écoute, on y va, c'est parti, on appelle, on va essayer de rembourser ça. Si cette personne qui s'est inscrite il y a quelques minutes décroche et répond correctement à la question que je vais lui poser, c'est-à-dire qui paye vos factures le matin, eh bien, ce sera gagné. Allez, c'est parti. Enfin, quand je dis qu'il faut qu'elle réponde, Mickaël ou Fun Radio, forcément. Allez. Alors. Deuxième sonnerie. Allô. Allô. Allô, oui. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Oui, allô. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Nicolas. Ah non, c'est pas Nicolas, non. Ah non, ça c'est. Ah oui, ça c'est dommage. Nicolas. Eh oui. C'est une radio, quoi. Oui, mais je me suis trompé. Ah bah c'est dommage. Bah, moi aussi, je me suis trompé. On va se tromper aussi dans le remboursement. Ah oui, ah bah c'est dommage. Hein. Bah oui. C'est pas grave. C'est 3 euros. Mais qui est Nicolas? Non, je me suis trompé. Trompé de prénom. Non. Ah bah c'est pas grave. Mais oui, je pensais. Non, je me suis trompé. Ah ouais, Je me suis trompé. C'est pas grave. Bon, comment tu t'appelles? Véronique. Véronique. Bon, Véronique, on va quand même te filer des places de ciné, hein. Ce sera toujours ça de prix, hein. Ah, c'est bien gentil. Bah, je t'en prie. Je vous écoute tous les jours, j'essaie tout le temps, mais pour finir. Eh ben voilà, tu vois, on t'appelle maintenant. Et c'est vrai que chaque fois que. Véronique. C'est pas qu'on t'aime pas, hein. Véronique, on va te laisser parce que je sais que t'es très occupée ce matin. On va rester là. Oui. Et puis, à bientôt, Véronique. Au revoir Véronique. Oui. Au revoir Véronique. Je te renvoie chez Lob au Standard pour prendre tes coordonnées pour t'envoyer des places de ciné. Bon, dans un instant on va revenir avec Gym Class Heroes, avec Adam Levine également. Ce sera Stereo Earth. Et puis également on va faire l'horoscope de Doudou dans un instant sur Fun Radio. Et puis on remet le couvert tout à l'heure à 8h10 pour les factures. Inscription 6322, code facture, bonne chance. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, est-ce que j'étais petit. Mickaël à la radio. Le son de Gym Class Heroes sur Fun Radio, l'instant Stereo Earth. Il est 7h19, il y aura Jay-Z aussi dans un instant avec Bonnie and Clyde. Et puis on va se faire l'horoscope maintenant. L'horoscope de l'ami Doudou maintenant, c'est parti. Fun Radio. L'horoscope. Et comment va Doudou? Il a passé un bon week-end? Oh, comme ci, comme ça. Ah bon, vous avez fait quoi? Bah, j'ai eu un petit problème avec le chauffage. Ah bon? Oui, il s'est arrêté. Et c'est là que j'ai pris toute la mesure que ce que c'était un pays du Nord. Oh, mais vous avez de la chance, Doudou. Là, il a fait beau ce week-end en plus. Ah bon? Il a fait 20 degrés, Doudou. Il peut faire plus froid que ça? Oui, les températures ne sont pas encore négatives, Doudou. Ça va venir. Bonne chance. Voilà. Négative, mais ça veut dire que l'eau elle va geler. C'est ça. Mais comment je vais faire pour prendre mon bain? Voilà. Bon, on vous expliquera. Allez, on va commencer par les béliers, Doudou. Hein, l'horoscope, c'est parti. C'est-à-dire que ça m'inquiète ce que vous m'avez dit. Je voulais dire effectivement que vous aviez raison, comme mais quoi oui. L'horoscope de Doudou est bon. Je n'ai mais pas gagné à l'Euromillion. Bah et oui, il l'avait prédit. Quand je vous le dis, vous ne m'écoutez jamais. En tout cas, je remercie Julie de m'avoir donné des chiffres qui déchiraient. Avec plaisir. Quand je vous dis qu'il faut pas l'écouter non plus. plus. Les béliers. Alors, essayez d'éteindre tous les feux qui s'emboisent. Concentrez-vous sur votre travail et prenez un peu de distance. Les taureaux. Défendez plus adroitement vos positions. Les gémeaux. Travaillez à votre capacité d'accepter la critique. Tous les conseils ne sont pas négatifs. Les cancers. Vous êtes à envier. Ah bah je sais, merci. Bah tu mais parles. Oui, on va vous faire une proposition intéressante sur le plan professionnel. Et en plus, ça va renflouer le compte en banque. Mais c'est merci Doudou. Quelle mais bonne nouvelle. Faut profiter parce que demain c'est la merde. C'est ça. D'accord. Bon, les lions. Vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important dans votre vie. Les vierges. Si vous n'y arrivez pas seul, demandez l'aide d'un ami ou d'un expert. Les balances. Après une traversée du désert, tout s'arrange. Ne vous découragez pas. Les scorpions. Si vous êtes la cible de critiques, ne réagissez pas violemment. Les sagittaires. Aujourd'hui, personne ne pourra vous retenir à la maison. Vous êtes plein d'énergie comme si on était au début du printemps, alors que c'est l'automne. C'est ça. Les capricornes. Une fois encore, votre bon cœur et votre générosité vont être exploités. Les Verseaux. Parfois, vous avez l'impression d'être incompris. La cause du problème, c'est peut-être vous. Et oui, et les Poissons pour terminer. Ne vous laissez pas freiner car tous les problèmes ne se règlent pas en un jour. Et voilà, merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Mais oui, mais alors par contre, ça me fait peur ce que vous m'avez dit. Non, mais vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas quand même. Tout va bien se passer. A tout à l'heure. On va s'écouter Jay-Z maintenant avec Bonnie and Clyde. Et dans 3 minutes, on appelle quelqu'un pour lui filer son écran plat avec la devinette qui colle. Le son de Jay-Z à l'instant sur Fun Radio, Bonnie and Clyde. Il est 7h24 et nous avons Lorraine qui est avec nous maintenant pour jouer. Salut Lorraine. Ouais, salut Lucas. Salut, comment ça va? Trop bien. En forme Lorraine? Ouais, ça va super. Ouais, super. T'as quel âge? T'as quel âge? Tu es dans quelle ville Lorraine? J'ai 20 ans, je viens de la mienne. D'accord, très bien, parfait. Tu as la réponse à la devinette qui colle, écoute-la bien. Jamais en retard, il est souvent pressé. En rondelle, il peut être découpé. Par lui, une couleur est qualifiée. Avec le poisson, il peut se mariner. Qui est-il? Du citron. Eh ben oui, c'est le citron. Et ce citron, vert ou jaune, hein, donc comme on l'avait dit tout à l'heure, te permet de repartir avec un écran plat. Écran plat ou le pack Nintendo Wii, tu choisis quoi, Lorraine? L'écran plat. Eh bien, l'écran plat, il est pour toi. Il n'y a pas de problème, Lorraine. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, bisous bisous, à bientôt Lorraine. Ciao à toi. Et puis on remet le couvert dans quelques instants hein, pour vous offrir à nouveau des écrans plats ou des packs Nintendo Wii avec une nouvelle devinette qui colle qui va arriver dans un instant. Mais avant ça, et comme chaque lundi, il faut qu'on revienne sur la grande émission du vendredi. Koh-Lanta. Ah non, pas mais du tout. Non, l'amour est aveugle. Mais voilà. Et la semaine dernière, il y avait encore des champions du monde. Hein, pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette émission culturelle, le principe est assez simple. Trois filles, trois garçons qui cherchent l'amour dans une grande maison, mais ils ne se rencontrent que dans le noir. Et vous, qu'en pensez-vous? L'amour peut-il être aveugle? C'est ce qu'ils vont vérifier. Maintenant. Ouais, bon, merci qu'est-ce Arnaud. Qu'est-ce qui est mou, ce présentateur? Je m'y ai pas bon, hein. Je venais de le dire, justement. Bon, vendredi, ouais, en fait, lui, il a fait le casting des producteurs sourds. C'est ça. Ah, c'est donc ça. Vendredi, c'était une spéciale philo, d'abord avec France, hein, qui nous décrit son homme idéal. Je cherche un homme qui aurait le physique de Brad Pitt et l'intelligence d'Aristote ou de Platon. Voilà. Bon, pour Brad Pitt, on en est sûr, hein, c'est bon. Là, pour tout Aristote et Platon, pas sûr qu'elle sache vraiment qui sont ces deux personnages. Voilà, hein. C'est surtout que s'il avait su que Platon était à l'origine de l'amour platonique, elle n'aurait peut-être pas pris ça comme exemple. Ouais. Bon, enfin, mais c'est pas tout. À niveau philo, on a Alexandra aussi. Alors, écoutez bien, interrogation écrite. L'émotion qui peut se passer entre deux corps dans le noir n'a pas forcément besoin d'être vue pour être ressentie. Voilà, donc qu'a voulu dire Alexandra? Vous avez 2 heures. Hein. C'est quoi cette musique derrière, on dirait dans un film d'horreur. Non mais vous avez 2 heures. Hein. Ouais, moi je trouve qu'Alexandra a bien compris le concept du jeu. Hein. On ne voit pas ce qui se passe dans le noir. Exactement. Voilà. C'est bien. Bon, allez, il y a maintenant, moins une qui suit. C'est, ouais. Oui, oui. On va maintenant passer aux garçons qui eux aussi ont beaucoup de choses à dire sur les filles. Écoutez bien justement. Ce qui me déplaît chez les femmes, je parle d'une manière générale, hein, c'est qu'elles osent se montrer indépendantes, mais elles sont capables de rien faire toutes seules. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont pas capables de faire cuire un œuf sur un. Excuse-moi. Eh oui, exactement. Et on va le prouver immédiatement. Julie, peux-tu faire cuire cet œuf? Non, fuir cet œuf. Il est là. Oui. Je te le lance. Elle a quand même eu peur. Oh mon dieu, il est con, il va me le lancer. Il est malade. Oh, tout est possible avec vous. Oh, quand même, on n'est pas des débiles. Oh, bah quand même. Bon, écoute, si, peu, ouais. J'ai fait une omelette absolument délicieuse la semaine dernière. Il faut la faire cuire tout doucement, en fait, avec du fromage et des lardons. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a demandé de faire fuir le faire fuir le. Écoute, voilà. Il avait raison. Julie n'a pas réussi. Bon, pour finir, on va prendre l'avis de Grégory, là, qui vient de voir Agnès. J'ai pas envie d'être méchant, je suis pas méchant, mais c'est pas du tout mon style de fille, du tout, quoi. Ah non, mais je pourrais pas la présenter à ma mère, de toute façon. C'est une boule à facettes. Mais c'est trop. Agnès, en fait, elle est. C'est trop. Voilà, c'est trop. Et bon. Il est pas méchant, c'est ça qui est bien. Et ben voilà, au moins c'est clair. La facette, ça va, ça. On sait qu'elle est trop, ouais. Tout simplement. Bon, et ben voilà, c'était L'amour est aveugle. Demain, grande nouvelle également, car nous aurons de nouveau L'amour est dans le pré, bien entendu. Que d'amour, et oui, que d'amour, trop d'amour. Allez, 7h28, dans un instant, c'est l'info. Et avant ça, c'est The Wanted sur Fun. Glad you came. Le son de The Wanted à l'instant sur Fun Radio, Glad You Came. Dans un instant, les écrans plats qui sont à gagner, c'est même maintenant, tiens, écrans plats avec les packs Nintendo Wii qui sont à gagner. Bah pourquoi il y a un jingle, ça ne veut rien dire ça. Attention, si vous avez la réponse et la devinette qui colle, si vous souhaitez la conserver des excès, il faut vous écarter. Elle marque le départ et l'arrivée. Il y en a 5 sur une portée. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Je répète, si vous souhaitez la conserver des excès, il faut vous écarter. Elle marque le départ et l'arrivée. Il y en a 5 sur une portée. Elle peut être également du temps. Voilà, si vous avez la bonne réponse, elle peut être du temps. On trace une comme ça, par exemple. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance, tout le monde. Je répète, si vous souhaitez la conserver des excès, il faut vous écarter. En gros, faut pas trop manger. Elle marque le départ et l'arrivée. Il y en a 5 sur une portée. Qui est-elle? 63-22, c'est 1€ le message. Non, pas du tout. Bonne chance, tout le monde. Dans un instant, c'est Kerry Hilson qui arrive avec Lose Control. Kerry Hilson avec Nelly, mais avant ça, on est en retard. 7h32, c'est l'info avec Julie. Bonjour à tous, les salaires belges augmentent trop les salaires des travailleurs. Les salaires des travailleurs belges ont augmenté cette année beaucoup plus que ceux de leurs collègues dans les pays voisins. Dans son rapport annuel, le Conseil central de l'économie compare les hausses des salaires intervenues en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Depuis 1996, les salaires en Belgique ont augmenté de 4,6% de plus que dans les pays voisins. Une des explications provient de l'absence d'index dans ces pays voisins. Politique, les négociateurs se réunissent en séance plénière dès 14h30 afin de discuter évidemment du budget 2012. Le Premier ministre Yves Leterme met la pression sur le formateur Elio Di Rupo. Il faudrait boucler le budget pour la semaine prochaine, sinon le Parlement n'aura pas le temps de l'entériner avant la fin de l'année. La commission Dexia se réunit aujourd'hui. Les parlementaires entendront l'administrateur délégué de la banque Pierre Mariani et le président du conseil d'administration Jean-Luc Dehaene. La commission mise en place la semaine dernière est chargée de faire la lumière sur les conditions de démantèlement du groupe. Bruxelles compte 15% de librairies en moins qu'en 2003, passant de 695 à 588. La baisse du nombre de librairies a surtout touché Woluwe Saint-Lambert, Woluwe Saint-Pierre et Auderghem. Le bijoutier Desneux a-t-il agi en état de légitime défense? L'avocat de l'un des deux braqueurs blessé par balle émet des doutes. Selon lui, son client avait le dos tourné lorsqu'il a été touché à la main. Il s'est étonné de la rapidité avec laquelle la reconstitution des faits a été organisée dès vendredi soir. Pour rappel, mercredi soir, le bijoutier Desneux a tué l'un de ses deux agresseurs, âgé de 18 ans, blessant l'autre à la main. Le premier ministre socialiste grec Georges Papandréou quitte le pouvoir. Il va laisser la place à un gouvernement de coalition après un accord trouvé hier soir entre les deux principaux partis politiques. Le nouveau gouvernement sera chargé de mettre en œuvre le plan européen anti-crise décidé à Bruxelles fin octobre, avant des élections anticipées prévues le 19 février 2012. Anthony Samaras, leader de l'opposition de droite, et Papandréou auront un nouvel entretien aujourd'hui pour désigner un nouveau Premier ministre. Et puis sport, football en 13e journée de championnat. Le Cercle de Bruges s'est imposé face à Anderlecht 1-0 et le Standard a battu le FC Bruges 2-1. Et voilà, 7h34 sur Fun Radio. Restez avec nous. Kerry Hilson arrive avec Nelly, ce sera Lose Control. Avant ça, c'est la météo. La semaine débute sous la grisaille. Aucune province n'y échappera et les maigres chances d'éclaircies intéresseront les régions de la Campine aux Hautes-Fagnes. Légère baisse des température de 9 à 13 degrés demain, même menu pour la journée. Très bien, bon bah bonne nouvelle, tiens. Dans un instant, comme je le disais, Kerry Hilson, je vous rappelle aussi la devinette qui colle. Dans un instant, bah maintenant, tiens, si vous souhaitez la conserver des excès, il faut vous écarter. Elle marque le départ et l'arrivée. Il y en a 5 sur une portée. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, petit indice, elle peut être du temps également. Voilà, oui. Tout simplement, si on la trace, voilà, elle peut être du temps, Vicialobe. Ou d'autres choses, mais bon. Ou d'autres choses. Oui, c'est vrai, effectivement. Elle pourrait être d'autres choses, effectivement. Oh, voilà. Bon, alors attention, on va donc maintenant passer à l'info en plus. Eh bien, beaucoup sont accros à Facebook et certains bien plus. Eh bien, ça se passe dans l'Iowa aux États-Unis. Une Américaine qui s'appelle Jennifer, eh bien, elle a incendié la maison de son amie Nikki juste parce que Nikki l'avait retirée de sa liste de contacts mais sur normal. Facebook. Mais c'est normal. Ben oui, les deux amis se sont disputés pour l'organisation d'une fête et Jennifer, voilà, Nikki a viré Jennifer de sa liste de Facebook et puis Jennifer l'a très mal pris. Elle a été mettre le feu à la maison de Nikki. Elle se connaissait très très bien, mais malheureusement, le drame est arrivé. Et maintenant, Jennifer doit payer 72 000 euros pour les dégâts parce qu'elle a quand même mis le feu à la maison de Nikki, donc pas terrible. Donc faites attention, certains sont très très accros à Facebook et certains tiennent beaucoup à leur place d'amis virtuels. Donc réfléchissez-y à deux fois avant de virer quelqu'un de votre liste de contacts. Tu m'étonnes, il est 7h36 sur Fun Radio. On proposait la clé pour la réponse à la devinette qui colle. Non, pas du tout, hein. La naissance non plus de Damien de Liège, là c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse c'est pas une mesure non plus. Donc 63-22 si vous avez la bonne réponse. Et pour le Luxembourg, vous pouvez jouer aussi dorénavant. Vous envoyez un petit SMS au 621 773-255. Bonne chance tout le monde. Et à 7h37, on écoute Kerry Hilson maintenant avec Nelly. C'est Lose Control. Bonne matinée sur Fun Radio. Kerry Hilson sur Fun Radio à l'instant avec Nelly à 7h39. C'était Lose Control. Avant 8h, il y aura pas mal de choses. La ligne anti-relou qui va débarquer d'ici quelques instants, évidemment. Hein, vous connaissez le principe maintenant. La ligne anti-relou, ce sera d'ici quelques minutes. On aura aussi l'infotrafic. D'ailleurs, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas à nous le signaler. 3044 par SMS. Vous débutez votre message. Vous mettez tout simplement le problème que vous voyez sur la route, hein, tout simplement. Et puis, pareil aussi, si vous êtes sur Twitter, vous envoyez votre petit message donc sur Mickaël officiel sur Twitter ou sur le groupe Facebook. Je vous rappelle encore une fois la devinette qui colle avant d'avoir Toff pour un petit Mickaël réveil la Belgique. Si vous souhaitez la conserver, des excès il faut vous écarter. Elle marque le départ et l'arrivée. Il y en a 5 sur une portée. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS. Vous envoyez cette bonne réponse. Pour info, ce n'est pas la santé, ce ne sont pas des clés, comme il y a pas mal de réponses qui sont arrivées à ce sujet-là d'ailleurs. Hein. Si vous avez la bonne réponse, elle peut être du temps ou alors ouais ça peut être aussi un rail par exemple, je ne sais pas, ça peut être quelque chose comme ça quoi. Oui mais c'est pas bien. Ah c'est mal, oui non mais j'ai pas dit que c'était bien, c'est mais mal. Effectivement voilà ça peut l'être, voilà on va dire ça comme ça. Bon il est 7h40 sur Fun Radio, le Mickaël réveille la Belgique, ce sera tout à l'heure donc restez bien là et puis on va écouter le son de Mika dans un instant. Mika avec elle me dit, ça va arriver d'ici quelques instants sur Fun Radio. Bonne matinée, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 et nous sommes lundi le 7 novembre. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 7h45 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. On va passer maintenant à l'infotrafic avec Julie. Que se passe-t-il sur les routes? Accident autour de Courcelles sur le 42 Namur-Mont. C'est la bande de droite qui est obstruée au kilomètre 84. Un véhicule en panne dans les travaux. Très bien, donc si vous êtes témoin d'un problème sur la route, vous nous dites. Hein. Message aussi, salut Fun, le tunnel Louise est fermé. Laisse tomber les embouteillages, peux-tu passer Gonna Feeling? Je ne connais pas l'artiste. Oui, alors ça c'est ennuyant parce qu'effectivement là, comme ça le titre, ça me dirait non plus. Mais si t'as plus d'infos, n'hésite pas à me le dire hein, si tu veux. Donc si vous êtes témoin d'un problème sur la route, eh bien vous nous envoyez un petit message au 3044 ou alors sur le mail, c'est gratuit, mickaël@funradio.be ou alors sur Twitter si vous êtes dessus, Twitter ou Facebook, mickaël officiel pour nous suivre. Dans les deux cas, ça fonctionne. Allez, la ligne anti-relou maintenant, c'est parti. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou. Le 0473 86 0013, numéro disponible que vous devez vous approprier, car il faut faire croire au relou que c'est votre numéro de téléphone. Pour ce faire, c'est facile, il suffit simplement de le retenir par cœur, et quand vous croisez quelqu'un qui vous prend la tête, plutôt que de l'insulter, de l'envoyer chier, etc., vous dites simplement: non, écoute, j'ai pas le temps, mais tiens, je te donne mon numéro de téléphone et on se rappelle au plus vite. Ça, le gars, il sera persuadé qu'il a fait la bonne affaire. Donc ça peut fonctionner pour tout le monde, hein. Ça peut fonctionner pour les relous dans un bar, dans une discothèque, ça peut fonctionner avec votre patron éventuellement, ça peut fonctionner avec votre prof, avec votre directeur, bref, avec n'importe qui, ça marche. Comme par exemple ce numéro-là, enfin ce numéro, ce message-là, écoutez bien, c'est le premier qu'on écoute maintenant. Oui, monsieur Ryan, bonjour, j'ai déjà appelé et je souhaiterais vous parler parce que je suis secrétaire d'un mouvement de jeunesse et nous organisons des vacances pour des jeunes. Et lors de notre carnet tout le monde, nous faisons un tombola et c'était pour savoir si vous offriez de l'eau. Je vous remercie, une très bonne journée à vous. Oh, ça c'est les mal ça. Les fameuses récoltes de l'eau. Les récoltes de l'eau. Mais oui, c'est dommage. Oh là, c'est sur... dégueulasse quand même d'avoir filé le numéro d'Alignantirolo. Oh, c'est mal, c'est mal. C'est très mal. Ouais. C'est très mal. Allez, deuxième message laissé sur l'Alignantirolo. Oui, comme je vois, tu viens de retirer 330 euros au bingo. Donc pour l'instant, tu peux mettre une tournée générale. On se voit quand tu veux, à n'importe quelle heure. Ok, allez, à plus, hein. Non, ton numéro, bonsoir. Merci. Eh ben voilà, tiens, donc encore donc un bon relou là. Ouais, c'est ça, le mec il a enterré 330 euros, donc il les a perdus au bingo. Ah, c'est ça, pour ça qu'on a dit qu'il les avait gagnés, mais en fait non, pas du tout. Non, il les pas a perdus. Pas du tout. Bon, allez, troisième et dernier message pour Storcy. Bon, ouais, salut, je suis à Fondeur, rendez-vous, mais bon, le temps que tu n'es pas là, je vais attendre un autre, quelqu'un d'autre. Et ben voilà, bon, voilà, encore un bon relou aussi, hein, celui-là. Hein. Je pense il va attendre un autre. Bah oui, il a c'est que ça à faire. Qui est bien, tu vois, il a compris. Bon, tu viendras pas, c'est pas grave, je vais attendre un autre. Et ce qui est bien, c'est qu'il prévient la personne quand même. C'est pas mal. Et ça, c'est classe. Prochain coup avec la ligne anti-relou, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio. Je vous rappelle le numéro 0473 86 0013. La devinette qui colle, je vous la rappelle dans un instant. Et restez bien là, car dans même pas 10 minutes, je vous inviterai à vous inscrire pour repartir avec vos places pour aller au plus grand événement dance floor de l'année avec Fun. C'est le Star Floor. C'est le 26 novembre avec Florida, Ina, Tayo Cruz, Jason Derulo, Nicole Scherzinger, Colonel Rayel, Lucenzo, Antoine Clamaran, Pitbull et plein d'autres. Ce sera d'ici quelques instants, donc restez bien à l'écoute de Fun et restez bien à l'écoute du Morning Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Bon, on va faire chier le monde dans un instant avec Toff, vous le connaissez maintenant, hein, c'est juste avant l'info du 8h. Pas du tout, je veux aider les gens. C'est ça, ouais. C'était le son de Mika à l'instant sur Fun Radio avec Elle me dit, il est 7h52, bon réveil tout le monde dans un instant et même maintenant. Allez, c'est parti, vous pouvez vous inscrire pour repartir avec vos places pour aller direction Paris, l'événement le plus dance floor de l'année avec Fun Radio. C'est le Star Floor le 26 novembre avec Florida à gagner qui va jouer, pardon. Il y aura Ina, il y aura Tayo Cruz, Jason Derulo également, Nicole Scherzinger, le Colonel Rayel, Alexandra Stan, Antoine Clamaran, il y aura Pitbull et plein d'autres artistes à gagner maintenant. Inscription 6322, débutez le message par Star avec vos coordonnées complètes et si vous êtes tiré au sort lundi prochain le 14 novembre, entre 6h et 9h30, vous aurez en prime la possibilité, eh bien, d'y aller, transport et hébergement inclus. Et en plus de ça, vous rencontrerez Jason Derulo. Bonne chance tout le monde, 6322, code Star avec vos coordonnées complètes. Bon, Toff, la lutte continue là. Mais oui, avec la camarade Julie, nous Ouais, c'est ça. Quand j'apprends que l'homme gagne plus que moi, mais c'est normal. Ça me fait très très mal. Mais c'est normal. Ouais. Bon, donc on appelle parce que tu as reçu sur Facebook un petit message. Ouais, je pense que tout le monde l'a reçu, hein, vu que je crois que je l'ai reçu 10 fois déjà. Ah bah, donc très c'est, bien. Il paraît que l'Europe manque d'argent et donc il y a des mecs. Il paraît, on ne sait pas. C'est ça, ouais. Il paraît, parce que tu sais, moi je ne crois plus rien aujourd'hui. donc ils ont trouvé une solution simple. Hein. En France, il y a 577 députés, 343 sénateurs, 30 ministres et secrétaires d'État. Ce qui veut dire que si on baissait leur salaire de 1000 euros, on économiserait 950 000 euros par mois, soit 11 400 000 par an. Une bien maigre solution quand on sait que la France doit 1600 milliards. Mais oui, bon, c'est déjà ça de prix. Bah oui, c'est pas mal. Tu vois, t'es toujours négatif, c'est quand même dramatique, c'est quand même. Oui, mais bon, c'est une solution comme une autre. Bah oui, c'est une solution. Voilà, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, nous allons appeler les gens pour qu'ils se rallient à notre cause. Hein, parce que oui, tous ensemble, Et oui, On va appeler dans quelques instants justement. On va appeler où dans quelques instants alors? À Oudingoni. À Oudingoni. D'accord, ok, très bien. Par contre, tu m'as pas donné le numéro de téléphone, Toff, pour mais appeler. Si. Mais non, tu m'as pas donné le numéro de téléphone. Non, je te dis que tu m'as pas donné le numéro de téléphone. Voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Il m'a pas donné le numéro de téléphone. Voilà, ça y est, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai le numéro de téléphone. Toff, tu peux revenir, hein, c'est bon, le numéro de téléphone. Ah bah non, je l'ai pas. Oui, bah, Je pensais que c'est oui, un petit mais jeu, en fait, non. En fait, on l'envoie au bureau pour le chercher, il revient, on l'envoie au bureau, ouais, il revient. Ouais. Je pensais que oui, mais en fait, pas du tout. En fait, non. Bon, bah, c'est pas grave. En attendant, je vous rappelle le temps qu'il me le trouve là, il va le trouver quand même. Voilà. Bon, bah, alors ça y est, justement, c'est bon, tu l'as mis là. Le numéro est dedans, c'est parfait. Nous allons maintenant pouvoir appeler. Alors attention. On va appeler où alors? À Oudingoni. Non, mais ah bon, tiens rien, Michael. Non, mais c'est juste que j'ai toujours pas le numéro de téléphone d'Oudingoni. Hein. J'ai le numéro de téléphone là, Oupay, là, de tout à l'heure. Bon, tu sais quoi? Ce que je propose, c'est qu'on se mette le son de Deep Side DJs et puis on va appeler juste après. Hein? Ça me paraît un bon plan comme ça. Me racasser, quoi. Non, mais attends, j'ai pas le numéro de téléphone. Non, mais ça, le standard compris. Il est vide. Qu'est-ce j'ai que je te dis? J'ai compris. Je suis la plus mal payée ici. Il y a que moi qui travaillais bien. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre? J'ai compris. Bon, vous inquiétez pas. De toute façon, on appelle dans deux minutes après Deep Side DJ sur Fun. Le son de Deep Side DJs à l'instant, Never Be Alone sur Fun Radio. C'est bon, cette fois-ci nous avons le numéro de téléphone. Ça, c'est le côté bonne nouvelle. C'est le côté bonne nouvelle. Mais oui, nous sommes prêts, effectivement. L'info arrive dans un instant et je vous rappelle encore une fois la devinette qui colle. Oui, si vous souhaitez la conserver des excès, il faut vous écarter. Elle marque le départ et l'arrivée. Il y en a 5 sur une portée. Elle peut être donc d'arrivée, elle peut être du temps également, ou alors elle peut être à base de cocaïne, en fait, tout simplement de poudre blanche. Voilà. Bah oui. Si vous avez la bonne réponse de ce qu'on cherche, un écran plat ou un pack Nintendo Wii 6322, vous mettez la bonne réponse, c'est 1€ le message. Bonne chance. Bon, c'est parti. Donc, ouais, c'est bon. Allez, on va à Oudingoni maintenant, puisque j'ai le bon numéro. C'est parti, Toff qui tente donc justement de rallier un maximum de gens à sa cause pour trouver de l'argent pour l'Europe. Voilà, trouvons de l'argent. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Il y aura l'info juste après. Allô? Travailleuse, on te ment, madame. On te dit que de la merde. Alors je propose que tu rejoignes notre intersyndicale pour demander la diminution du salaire des politiques. Allô, monsieur? Allô? Ouais, bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Ouais, voilà. Monsieur, je vous appelle ce matin parce que, avec les camarades, nous revendiquons et nous demandons aux politiques de baisser leur salaire par solidarité avec nous. Et ce mouvement-là, il se trouve où? Ce mouvement-là, il est partout, monsieur. Il est chez toi, il est chez moi, il est chez nous. Il faut que tout le monde se mobilise. Ouais, monsieur, on va se mobiliser. On va partir quand? Mais il faut que ça parte maintenant. Il faut que tout de suite, tu viennes dans la rue. Non, maintenant, il fait trop tôt. Hein. Je me suis levé trop tôt. Oui. Mais monsieur, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour revendiquer. Il n'y a pas d'heure pour demander la justice sociale. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas d'heure, mais bon, on part quand? On part maintenant, monsieur, on se rassemble tous. C'est tous ensemble. Ouais. Ah, ok. Ouais. Pour qu'ils baissent le salaire. Exactement, pour monsieur. Allez, je raccroche et tu descends faire ça dans la rue avec les voisins. Ouais, mais j'ai besoin d'aide. Hein. Eh ben justement, il faut aller sonner chez les voisins, comme ça tu seras pas tout seul. Non, mais ça, je ne sonnerai pas maintenant. Hein. J'ai du coup, et tu veux qu'ils me tuent, les gens. Hein. Mais non, monsieur. Vous savez à quelle heure il est maintenant? Quelle heure est-il? Mais oui, c'est le matin, monsieur, et c'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant qu'il faut répondre tous ensemble. Ouais. Quand les politiques qui prennent notre argent. Voilà, monsieur. Allez, c'est parti. La lutte a commencé. Ok, monsieur. La révolution est en route. Ok, attends, je vais sonner chez les voisins. Voilà, monsieur. Allez, à tout à l'heure. On est combien? On est deux pour le moment. Ah, on est deux. Mais attends, moi, j'en ai dans les rues au moins trois comme ça. Voilà, monsieur, parce que c'est maintenant que la lutte elle commence. Et c'est maintenant qu'on va s'en sortir contre ces politiques pourries. Et c'est grâce à vous, monsieur, parce que vous allez trouver vous aussi trois. Hein. Mais oui, vous inquiétez pas, je vais en rappeler d'autres. Et je rappellerai jusqu'à ce que toute la Belgique elle soit dans la rue. Vous avez trouvé comme ça 10, vous me rappelez après. Hein, pas de problème. Je vous donne moi le résultat. D'accord, monsieur, on se rappelle tout à l'heure. Ok, allez, à tantôt. À tout à l'heure. Au revoir. Eh bah c'est bon. Ah bah c'est bon, t'as trouvé quelqu'un pour ta cause, Toff. Bah ouais, bah vous nous avons en but continu. Voilà, ils sont deux maintenant, c'est la bonne nouvelle. Bon. Oui, ça va aller, Toff. Bon, on rappellera tout à l'heure encore d'autres personnes. Si vous connaissez du numéro éventuellement, hein, de gens qui sont un peu tendus, on va dire ça comme ça, vous transmettez, hein, 3044, on compte sur vous. Dans un instant, on va vous rembourser vos factures. Je vous rappelle que tout à l'heure, ce n'est pas tombé, ce qui veut dire qu'on ne sélectionnera que ceux qui se sont inscrits entre 7h10 et 8h10. Encore 10 minutes pour vous inscrire, 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Nickel à la radio. Nickel à la radio. Nickel à la radio. Yeah, it's more. Morning time affair. Shut it. Nickel. Fun. À la radio. Fun radio. Yeah. Il est 8h02 sur Fun Radio avec un petit peu de retard. Les infos avec Julie. Les salaires belges augmentent trop. Les salaires des travailleurs belges ont augmenté cette année beaucoup plus que ceux de leurs collègues dans les pays voisins. Dans son rapport annuel, le Conseil central de l'économie compare les hausses des salaires intervenues en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France depuis 1996. Les salaires en Belgique ont augmenté de 4,6% de plus qu'ailleurs. Une des explications provient de l'absence d'un index dans les pays voisins. Politique, les négociateurs se réunissent en séance plénière dès 14h30 afin de discuter du budget. Le Premier ministre Yves Le Terme met la pression sur le formateur Elio Di Rupo. Il faudrait boucler le budget pour la semaine prochaine, sinon le Parlement n'aura pas le temps de l'entériner avant la fin de l'année. La commission Dexia se réunit aujourd'hui. Les parlementaires entendront l'administrateur délégué de la banque Pierre Mariani et le président du conseil d'administration Jean-Luc Dehaene. La commission mise en place la semaine dernière est chargée de faire la lumière sur les conditions de démantèlement du groupe. Bruxelles compte 15% de librairies en moins qu'en 2003, passant de 695 à 588. La baisse du nombre de librairies a surtout touché au lieu Saint-Lambert, au lieu Saint-Pierre et au Dorgem. Le bijoutier Desneux a-t-il agi en état de légitime défense? L'avocat de l'un des deux braqueurs blessés par balle émet des doutes. Selon lui, son client avait le dos tourné lorsqu'il a été touché à la main. Il s'est étonné de la rapidité avec laquelle la reconstitution des faits a été organisée dès vendredi soir. Pour rappel, mercredi soir, le bijoutier a tué l'un de ses deux agresseurs, âgé de 18 ans. En France, la situation s'améliore après les fortes pluies et inondations qui ont fait 3 morts durant le week-end. La situation s'apaise et 3 départements seulement restent en vigilance orange crue ce matin. Le Premier ministre socialiste grec Georges Papandréou quitte le pouvoir. Il va laisser la place à un gouvernement de coalition après un accord trouvé hier soir entre les deux principaux partis politiques. Le nouveau gouvernement sera chargé de mettre en œuvre le plan anti-crise européen qui a été mis en place à Bruxelles fin octobre avant des élections anticipées prévues le 19 février. Puis sport football en 13e journée de championnat, le Cercle de Bruges s'est imposé face à Anderlecht 1-0 et le Standard a battu le FC Bruges 2-1. Et dans un instant, c'est Maroon 5 qui arrive avec Christina Aguilera sur Fun Radio et 8h05, c'est la météo. La semaine débute sous la grisaille, aucune province n'y échappera et les maigres chances d'éclaircies intéresseront surtout les régions de la Campine aux Hautes-Fagne. Baisse des températures de 9 à 10 à 13 degrés. Je m'emballais. Oui, demain, un petit peu, ouais. Même menu pour la journée. Très bien. Dans un instant, on vous rembourse vos factures. Je vous rappelle que ce n'est pas tombé à 7h10. Ce qui veut dire que dans 5 minutes, on appellera quelqu'un qui s'est inscrit entre 7h10 et 8h10. Seuls ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10 pourront être rappelés. 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Ça tombera peut-être chez vous dans un instant. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h05 sur Fun Radio, nous allons maintenant parler de l'info en plus. Ça y est, le monde a sa nouvelle Miss. Miss Venezuela a été couronnée Miss Monde 2011. Ah bon ? Elle s'appelle Iviane Sarcos, elle a 22 ans. Elle a donc remporté le titre de Miss Monde hier, où se déroulait la cérémonie, c'était donc à Londres, marquant le 60e anniversaire de la compétition déjà. La jeune femme a des longs cheveux bruns et des yeux couleur jais. Elle est diplômée en ressources humaines et elle est employée dans une société audiovisuelle. Ça ne m'étonne pas. Bah écoute, ça m'étonne pas, ouais. Du coup, à mon avis, elle va effectivement avoir pas mal de travail hein, quand elle aura fini. Probablement, oui. Alors, elle était donc, elle, Miss Monde. La deuxième place a été attribuée à Miss Philippines et la troisième à Miss Porto Rico. La cérémonie a été quand même suivie par 1 milliard de téléspectateurs dans 150 pays. Quand on sait qu'en Belgique, Miss Belgique ne sera pas diffusée, ne sera plus diffusée sur RTL TV parce qu'il n'y avait plus assez de monde pour regarder, eh bien, Miss Monde a quand même réuni 1 milliard de téléspectateurs. C'est ouais, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, ouais, effectivement. Bon, bah voilà, bonne chance à la Miss alors pour la télé. Hein. Je m'étonne que Toff n'ait pas dit un seul mot. Il ne s'est pas excité, des Miss, il n'a pas bavé, rien du tout. J'étais en train de chercher sa gueule sur Internet. Ah voilà, c'est pour ça que tu avais l'air si concentré. C'est pour ça. Bon, 8h16 sur Fun Radio, le remboursement des factures, c'est dans un instant. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Je vous rappelle que les Luxembourgeois peuvent jouer également. Hein, si jamais vous êtes au Grand-Duché du Luxembourg, vous pouvez aussi envoyer votre message, le code facture au 621 773 255. Code facture avec le montant et l'objet de la facture. Pour la Belgique au 6322, c'est 1€ le message. Et pour le Luxembourg au 621 773 255. Bonne chance tout le monde. Et puis on va écouter le son de Maroon 5 maintenant. Maroon 5 avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Bonne matinée sur Fun. Les Maroon 5 à l'instant sur Fun Radio avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et c'est effectivement comme ça que ça se passe chaque matin sur Fun Radio. Tout à l'heure, ce n'est pas tombé. La personne a pourtant bel et bien décroché, mais malheureusement, elle a dit que c'était Nicolas qui payait les factures le matin. Mais oui, Nicolas. Et on cherche toujours à savoir qui est ce Nicolas. Voilà, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Donc il faut répondre Mickaël ou Fun Radio quand je pose la question qui paye vos factures le matin. Pour vous inscrire, 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Ou alors pour le Grand-Duché du Luxembourg, vous envoyez facture aussi au 621 773 255. Et eh oui, petit pays mais long numéro, c'est bizarre. Bon, alors on va rembourser combien? Il y a 600€ pour une nouvelle maison, 211€ pour l'assurance moto, 392€ pour le cadastre, 105€ pour à l'hôpital, 135€ pour Luminus, 50€ pour la cheminée, 67,50€ pour l'électricité, etc., etc. Et on va choisir, on va rembourser combien là, du coup? On va rembourser 50€ pour une cheminée. Ah, c'est pour la cheminée. Attends, 50€ pour la cheminée, je comprends pas. Mais pour bah, c'est le ramonage. Ah, le ramonage. Bah, oui, il faut ramener la cheminée tous les ans. Oui, c'est connu. Vrai, bien sûr. Oui, allô? Allô, bonjour. Il y a des filles, elles font un peu allô. Plus, mais... Allô? Voilà, j'attendais. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Mickaël, à la radio? Eh oui! J'allais dire non, je suis resté coincé sur Nicolas. J'allais dire, bah non, c'est pas mauvaise réponse, hein. C'est mais Nicolas, la radio le matin. Non, bon, bah bravo, comment tu t'appelles? Laura. Laura, tu voulais qu'on te rembourse 50€ pour le ramonage? Non, pas du tout, non. J'ai juste payé 50€ pour une cheminée, voilà. Pour une cheminée? Mais c'est une fausse. Oui. C'est une cheminée... Oui, c'est une fausse cheminée, mais bon, voilà. Ah, d'accord, parce okay. que 50€, c'est pas cher pour une cheminée. Ouais, bah, parce que juste, on aurait mis deux chez elle, hein, bah, directement. Voilà. Bah, bien sûr, bien sûr. Bon, bah très bien. Bah écoute, y a pas de problème alors. Hein. Et bah voilà, c'est gagné. On va te rembourser tes 50€. Reste au standard. On va t'expliquer comment ça va marcher. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Je te fais des bisous. À bientôt. Salut, ciao et bonne journée. Et puis pour les autres, bah c'est pareil. Hein. À 9h10, on remet le couvert. 58 minutes donc pour vous inscrire au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. On donne la réponse et la devinette qui colle dans un instant également. On fera l'horoscope. Et puis le son de Kate Deluna, on va l'écouter avec Fatman Scoop, Drop It Low. Ça arrive dans un instant sur Fun. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Le son de Kate Deluna à l'instant sur Fun Radio, il est 8h17, bon réveil tout le monde. Si vous venez débarquer, bah, soyez les bienvenus. Dans un instant, il y aura l'horoscope avec l'ami Doudou, comme chaque matin sur Fun Radio. On aura la déclaration express également d'ici quelques instants. Et puis, bah, on va appeler quelqu'un maintenant, live and direct, là, pour lui filer peut-être, justement, son écran plat ou son pack Nintendo Wii, puisque je vous rappelle qu'il y avait une petite devinette à trouver, hein, petite devinette à trouver. Et la devinette, c'était la suivante. Si vous souhaitez la conserver des excès, il faut vous écarter. Elle marque le départ et l'arrivée. Il y en a 5 sur une portée. Qui est-elle? La réponse, donc, on avait dit que ça pouvait être... c'est pas portée, hein, pas du tout. On avait dit que c'était... Elle pouvait être du temps également. Voilà. On proposait des rails. Non, pas du tout, parce qu'on... Quand on disait des rails de coke, oui, c'était un indice, mais c'est pas ça qu'on cherchait pour être précis. En attendant l'arrivée de Doudou d'ici quelques instants, nous allons prendre qui, Lob? Lob, ça fait 2 heures qu'il est en train de chercher un numéro, là. C'est dingue, donc, ça. Pour le moment, donc ça arrive, en fait. Ça arrive, bah, faut que ça arrive plus vite, là. Hein. Faut que ça arrive encore plus vite. Allez, plus vite! Bon, allez, l'horoscope d'abord, le temps que l'op s'achète de main gauche. Enfin, une droite et une gauche plutôt. Allez, l'horoscope, c'est parti. Doudou, j'ai une question d'un auditeur, tiens, qui voudrait connaître la meilleure période pour séduire. Bah, quand elle est éveillée. Non, mais pas dans la journée, Doudou. Pas dans la journée, bah alors le mieux c'est le soir, juste avant d'aller dormir, comme ça après on dort peut-être ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est bon, on a compris. Bon, je parle de la meilleure période dans le thème astral. Comment vous voulez que je le sache? Vous m'avez même pas donné les signes. Oui, bon, bah on va faire l'horoscope, ce sera plus simple. Hein. Ah bah oui, mais enfin bon, alors bon. Si vous faites les choses à moitié. Bon, les béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce que c'est les béliers? Ah oui, essayez d'éteindre tous les feux qui s'embrassent. Concentrez-vous sur votre travail et prenez un peu de distance. Les taureaux. Défendez plus adroitement vos positions. Les gémeaux. Travaillez à votre capacité d'accepter la critique. Tous les conseils ne sont pas si négatifs. Les cancers. Vous êtes à envier. On vous fait une proposition intéressante sur le plan professionnel et cela va renflouer votre compte en blanc. Un blanc, mon blanc, hein. Mon fameux compte en blanc. En blanc, oui. Que j'ai bien blanqué, sous c'est ça, c'est ça. Non, c'est parce qu'il est en blanc, son compte, alors il est en blanc. Bon, allez, les lions, maintenant. Alors, vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important dans votre vie. Les vierges. Si vous n'y arrivez pas seul, demandez l'aide d'un ami ou d'un expert. Les balances. Après une traversée du désert, tout s'arrange. Ne vous découragez pas. Les scorpions. Si vous êtes la cible de critique, ne réagissez pas violemment. Les Sagittaires. Aujourd'hui, personne ne pourra vous retenir à la maison. Vous êtes plein d'énergie, comme en début de printemps. Alors que c'est l'automne. Ah oui, les Capricornes. Encore une fois, votre bon cœur et votre générosité vont être exploités. Et les poissons, les Verseaux, pardon. Les Verseaux d'abord, oui. Alors parfois, vous avez l'impression d'être incompris. La cause est peut-être en vous. Et les poissons pour finir. Ne vous laissez pas freiner, car tous les problèmes ne se règlent pas en un jour. Et ben voilà, on vous retrouve dans une heure, Doudou. Oui, d'accord, pas de problème. À tout à l'heure, la déclaration express dans un instant. Et le gagnant pour la devinette qui colle, c'est après Alex Godino. Alex Godino, l'instant sur Fun Radio, c'était Destination Calabria. Il est 8h23, Yamaton Heads qui arrive dans un instant avec Eden Martin. Ce sera Trust You Again sur Fun. Et puis nous allons maintenant, c'est parti, prendre le gagnant ou la gagnante pour la devinette, tout simplement, la devinette qui colle. Bonjour, qui est avec nous? Allô, oui, allô, bonjour, ouais, Fabio. Salut Fabio, comment ça va? Ça va, toi? Bah écoute, ça va plutôt bien, Fabio. Tranquille, tu es là, tu sais, tout va bien, Fabio. Bah, oui, on attendait que toi pour que la journée démarre. Tranquille, pépère. Bon, alors attention, Fabio, tu as quel âge, dans quelle ville? J'ai 26 ans, je suis de Charleroi. Très bien, les Carolos sur 103.5 pour écouter Fun dans la région. Si vous souhaitez la conserver, des excès, il faut vous écarter. Elle marque le départ et l'arrivée. Il y en a 5 sur une portée. Qui est-elle, Fabio? J'ai pas compris. Non, c'est pas grave. Réponds-moi juste la devinette qui colle. C'est quoi la réponse? C'est quoi? La ligne, c'est une bonne réponse. Et oui, ligne de coke, bien sûr. Il y avait également la ligne du temps. On n'avait pas compris. Bah. Voilà. Non, il y en a qui n'ont pas compris, hein, figure-toi. Hein. Bon, ben voilà, Fabio, bravo à toi, c'est gagné. Tu repars avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii? Que choisis-tu? L'écran plat. Eh bien, l'écran plat est pour toi. Salut Fabio, reste au standard, on prend tes coordonnées. Merci. À bientôt Fabio, ciao ciao. Enfin, on va te rappeler dans quelques instants. Et puis nous allons prendre Joseph qui est avec nous maintenant, 23 ans de Liège. Dis donc, très bien, 23 ans de Liège qui voulait faire une déclaration express à sa cousine Laetitia. Donc quelque chose. Sa cousine. Oui, c'est un peu d'inceste, oui. Enfin rien de grave. Non, non, c'était juste une déclaration parce que je sais pas pourquoi, mais enfin bon. Ah, bah, je trouve qu'il n'y a pas de mal de temps en temps à découvrir sa sexualité avec sa cousine. Bon, on va appeler Laetitia maintenant. On y va pour la déclaration express de la part de Joseph, 23 ans de Liège. Et puis bah on verra ce qu'elle va en penser. Allez, c'est parti, on appelle Laetitia? Oui, c'est parti. Allez, et puis il y aura une troisième devinette qui colle dans un instant. Alors, ça ne téléphone pas, c'est dommage. Il y aura encore des écrans plats à gagner, bien sûr. Et allô? Allô Laetitia? Oui. Salut Laetitia, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, ça va bien? Oui, bonjour. Oui. Bonjour Laetitia, tu sais pourquoi je t'appelle? Ah non. Non, eh ben je vais te le dire. Parce que tu as un cousin qui s'appelle Joseph, c'est ça? Oui. Qui n'a pas beaucoup de couilles, on peut le dire, hein, puisque il nous avait demandé une déclaration express pour toi, Laetitia. Pour te déclarer je ne sais pas quoi, mais en tout cas, écoute-la, cette déclaration est pour toi, Laetitia. Sur Deepside DJs. Oh,

conseil d'administration Jean-Luc Dehaene. La commission mise en place la semaine dernière est chargée de faire la lumière sur les conditions de démantèlement du groupe. Le bijoutier Desneux a-t-il agi en état de légitime défense? L'avocat de l'un de ses deux braqueurs blessés par balle émet des doutes. Selon lui, son client avait le dos tourné. Lorsqu'il a été touché à la main, il s'est étonné de la rapidité avec laquelle la reconstitution des faits a été organisée dès vendredi soir. En France, la situation s'améliore après les fortes pluies et inondations qui ont fait 3 morts durant le week-end. La situation s'apaise et 3 départements seulement restent en vigilance orange cru ce matin dans le sud-est et le sud-ouest. Le premier ministre socialiste grec Georges Papandréou quitte le pouvoir. Il va laisser la place à un gouvernement de coalition après un accord trouvé hier soir entre les deux principaux partis politiques. Le nouveau gouvernement sera chargé de mettre en œuvre le plan européen anti-crise décidé à Bruxelles fin octobre avant des élections anticipées prévues le 19 février 2012. Anthony Samaras, leader de l'opposition de droite, et Papandréou auront un nouvel entretien aujourd'hui pour désigner un nouveau Premier ministre et faire ensemble la composition du gouvernement. Puis enfin, en sport football, en 13e journée de championnat, le Cercle de Bruges s'est imposé face à Anderlecht 1-0 et le Standard a battu hier soir le FC Bruges 2-1. Il est 8h35 sur Fun Radio, c'est Jennifer Lopez qui arrive dans un instant avec Papy et avant cela, la météo. La semaine débute sous la grisaille, aucune province n'y échappera, peut-être les régions de la campagne, de la Campine, aux Hautes-Fagnes, légère baisse des températures de 9 à 13 degrés cet après-midi, demain même nuit pour la journée. Et il y a Arnaud qui nous signale également par mail à 8h25 un bouchon sur la E42 direction Mons aux travaux de Courcelles et Samuel qui envoie un message qui dit le centre de Braine-le-Comte est fermé à la circulation. La N6 Mons-Bruxelles est déviée. Bouchon monstre. Bah bon courage à ceux qui sont coincés là-dedans, évidemment. Nous allons passer maintenant à l'info en plus. Alors, on est tous ici autour de la table sur Facebook, bien évidemment, comme des millions Personnes. Moi, je travaille. Bien sûr. Comme des millions de personnes dans le monde, on est inscrit sur le site de réseau social Facebook. Eh bien, certains sont plus accros que d'autres. En tout cas, certains, bah, ça leur tient plus à cœur d'être dans amis virtuels avec d'autres. En fait, pour vous expliquer, une Américaine a incendié la maison de son amie juste parce qu'elle l'avait retirée de sa liste de contacts Facebook. Oh bah bien sûr. Ça se passe en Iowa. C'est Jennifer, âgée de 30 ans, qui a pété un plomb. Elle a eu une dispute avec Nikki à propos d'une histoire d'organisation de fête d'anniversaire. Bref, Nikki a viré Jennifer de sa liste de contacts sur Facebook. Mais elle a raison. Mais Jennifer ne l'a pas pris comme ça aussi facilement. Très remontée, elle a donc mis le feu à la maison de Nikki et maintenant elle doit payer quand même 72 000 euros. Pour les dégâts. Ah ouais, quand même. Donc, faites attention, réfléchissez-y à deux fois si vous désirez retirer quelqu'un de votre liste de contacts sur Facebook. Oui, faites attention, on ne sait jamais. Et moi, si je devais brûler la maison de. À chaque fois qu'une fille me supprime de Facebook, à mon avis. C'est ça, il en brûlerait pas mal des maisons. 100 fois quand on ne prison. Ça, c'est clair. 8h37 sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle dans un instant. Et avant cela, on écoute le son de Jennifer Lopez maintenant. C'est Papy sur Fun Radio. Et juste après, nous aurons Julien Derien qui officie tous les soirs dans la tribu avec Evan entre 17h et 20h. Jennifer Lopez, à l'instant sur Fun Radio, c'était Papy, il est 9h20, bon réveil si vous venez débarquer, c'est lundi le 7 novembre ce matin, il est donc 9h20 et dans quelques instants, peut-être pour vous, un écran plat ou un pack Nintendo Wii, si vous avez la réponse à la devinette qui colle, elle possède sa propre maison et intéresse peu les garçons, cible parfois d'aiguilles, elle plaît surtout aux filles, qui est-elle? C'est vrai que les petites filles en général jouent avec, j'avais dit Barbie comme indice, et puis on peut également quand on croit certains un truc, mettre effectivement des aiguilles dans la tête pour faire mal à quelqu'un d'autre. Doudou doit jouer à ça avec des voudous. Ah oui, certainement. Doudou, vous utilisez ça? Bah oui, évidemment. On met des aiguilles dans la tête de ce qu'on cherche là. Bien sûr, évidemment. Bah, voilà. Vous voulez que je vous en fasse une? Non, ça ira. Ah bon, si vous avez la bonne réponse. Je ne peux pas imaginer avec quoi vous faites ça, Doudou. Ah bah, il vaut mieux pas imaginer. En quelle matière? On proposait un talon. Non, pas du tout, je ne vois pas le rapport. Mais si vous avez la bonne réponse, donc 6322, on vous appelle dans pas longtemps pour vous offrir votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii. Inscription 6322, c'est 1 euro. Le message, bonne chance. Et Julien Derien est tous les soirs dans la tribu avec Evan entre 17h et 20h. Julien Derien, c'est le grand reporter, toujours bien sûr à l'affût de la moindre info. Une étude scientifique a été réalisée et les résultats sont tombés. Consommer quotidiennement du café réduirait le risque de cancer de la peau. Pour enquêter sur cette étude, on a fait appel, comme tous les jours, à notre reporter Julien Derien. Julien, vous êtes avec nous par téléphone. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette information ? Oui. Evan, vous savez que j'aime que les choses soient claires. Du coup, je bois du café depuis ce matin pour voir si ça marche. Vous en voulez un ? Oui ? Non ? On ne se prononce pas ? Non, ça va. Non. Vous voulez du café ? Vous voulez du café ? Du café italien ? Et Noémie, elle veut du café ? Hein, Noémie ? Elle veut du café dans un café ? Qui n'en veut ? Calmez-vous, Julien. Et donc, sans déconner, prenez votre temps. Vous avez commencé à quelle heure, là, ce matin ? Ah bah là, je me suis levé à 5h du matin, hein, comme tous les matins, parce que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Avec du café, chaud café. Attendez, Julien, vous en avez bu combien, là, des cafés ? Ah bah, au moins 25, hein, parce que moi, je veux pas de cancer de la peau. J'aime pas le cancer du cœur et j'aime pas le cancer tout court. Tu aimes, toi, Evan ? Non, pas du tout. J'ai soif. Faut que je prenne un truc à boire, là. Un truc frais, un truc froid. Tiens, ah bah, j'ai un Red Bull dans mon frigo, ça peut le faire, ça. Calmez-le. Calmez-le. Non, stop, Julien, faites pas ça. Je pense que ça va être trop, là. J'ai le café plus un Red Bull, c'est juste n'importe quoi. Ah, merci, Evan. C'est gentil, Evan. Merci, Evan. Vous avez remercié, Evan ? Non, Julien. Non seulement vous n'avez pas remercié, mais je crois que vous devriez arrêter et aller vous reposer. Reposer ? Pourquoi faire ? Ben, je pourrais pas dormir avant la semaine prochaine, de toute façon. Enfin, pour en revenir au sujet initial, hein, si je meurs, ce sera sûrement pas du cancer de la peau, mais par contre, une crise cardiaque, je suis pas loin. Ok, on va essayer de le laisser se calmer de son côté. Merci pour votre enquête, Julien. À bientôt. De rien. Eh oui, il a l'air un petit peu perturbé aujourd'hui, le Julien Derien. Bon, retrouvez Julien Derien ce soir excité, à partir. Hein, garçon. Ah oui, complètement. À 17h, à partir de 17h jusqu'à 20h avec Evan et toute la tribu, évidemment. Et puis, on va revenir dans un petit instant avec vous toutes et vous tous en direct sur Fun Radio à 8h42 avec le remboursement de vos factures dans quelques instants, avec la ligne anti-relou également et avec le son de Likili. Que vous avez découvert sur Fun Radio il y a pas mal de semaines maintenant. Likili, ce sera I Follow River sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, la réponse est la devinette qui colle. Mais avant cela, petit tour du côté de l'info trafic. Véhicule en panne sur le ring intérieur Anvers, oulala, direction Gand. Un véhicule est en panne à hauteur de Deurne. Accident sur la 54 Nivelles Charleroi à hauteur de l'eau de Linsart. En direction de Charleroi, la bande de gauche est obstruée au kilomètre 22. Les fils remontent jusqu'à le 42. Et puis accident sur le 40 Hachène-Liège-Bruxelles à hauteur de Zaventem, donc en direction de Bruxelles. La bande de gauche est obstruée au kilomètre 9.5. Et je rappelle pourquoi les tu veux infos. Pas dire Aix-la-Chapelle. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Pourquoi tu veux pas dire Aix-la-Chapelle ? Elle dit toujours à Aken. Ah oui, Aken. Oui. C'est vrai. Bah bon. Et puis sinon, il y avait aussi Arnaud qui nous avait envoyé un SMS, un mail tout à l'heure à 8h25. Bouchon sur la E42 direction Mons aux travaux de Courcelles. Et enfin, Samuel qui disait que le centre de Braine-le-Comte est fermé à la circulation. La N6 Mons-Bruxelles est donc déviée. Bouchon monstre et bon courage. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Fun Radio. Fun Radio. Exactement. Tous les matins sur Fun Radio, la ligne anti-relou, les meilleurs moments de la ligne anti-relou laissés au 0473 86 0013. Vous êtes curieux de connaître les messages? Ah eh bien oui, c'est Mickaël. Normal. Ah bah oui, dis-donc Mickaël. Eh bien c'est normal. Les numéros, les messages de la ligne anti-relou ont été laissés grâce à vous, car vous avez donné ce numéro à des relous qui sont venus, qui ont croisé votre chemin, des relous peut-être dans un bar ou dans une discothèque, des relous peut-être votre prof, votre directeur, votre collègue de boulot qui est quand même bien relou, faut quand même l'avouer. Si vous avez ce genre de personnes que vous réussissez de croiser, retenez ce numéro comme si c'était le vôtre. 0473 86 0013. Et on va écouter maintenant le premier message. Ouais, bonjour, mon petit chat. En fait, tu sais, quand on dit l'on est, on pense toujours à nous, cui. J'aimerais que tu viennes me retrouver pour ma petite fosse. Alors ça me fait plaisir. Rappelle-moi plus vite, car j'ai tellement envie de toi. Merci. Ah oui, c'est tellement excitant en plus. Ah hein. Oui, rappelle-moi vite, j'ai très envie de toi. Oh là là là là. Bon, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, monsieur Ryan, bonjour. Je l'ai déjà appelé. Et je souhaiterais vous parler parce que je suis secrétaire d'un mouvement de jeunesse. Nous organisons des vacances pour des jeunes. Et lors de notre carnet tout le monde, nous faisons une tombola. C'était pour savoir si vous auriez des lots. Je vous remercie. Une très bonne journée à vous. Non, c'est mal ça. Quelqu'un qui appelle pour des lots là. Mais la fameuse tombola, hein, bah, je mouvement de jeunesse. Eh oui, c'est fini sur la ligne anti-relou. C'est quand même bien malheureux. Et enfin, dernier message pour ce matin. Bon, ouais, salut. Hein, je suis à Fondaire. Rendez-vous. Mais attendez, c'est pas là. Quelqu'un d'autre. À bientôt. Ce qui est bien, c'est qu'il appelle quand même pour dire bon, bah t'es pas là, donc je vais attendre un autre. Alors, bon, bah salut, à bientôt quand même. On sait jamais si tu changes d'avis. Hein. Bon, 0473-86-0013, le numéro de la ligne anti-relou. Dans un instant, Toff va continuer à jouer le syndicaliste. Mais oui. Puisqu'on va appeler des gens, on avait été à Oudingoni tout à l'heure, on était à Oupay aussi. C'est ça. Et puis, je vous rappelle la devinette qui colle là. Elle possède sa propre maison et intéresse peu les garçons. Cible parfois d'aiguilles, elle plaît surtout aux filles. Si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce qu'on cherche? Qui est-elle? J'avais dit que bah, c'est les filles en général qui jouent quand elles sont enfants, qui jouent souvent à ça, en fait, tout simplement. Barbie également. Et puis, Julie, elle peut être vaudou. Toujours. Elle peut être vaudou aussi. Voilà. Oui, bien sûr, j'y joue toujours. Tout à fait. La bonne réponse au 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance. Yali Kili. Est-ce que je peux rajouter que Toff en a une gonflable? Oui, effectivement, deux. Oui. Même deux. effectivement, c'est vrai. Bon indice, Julie. Pas mal. Pour une fois. Bah écoute, je me demandais après 3 mois à quoi tu servais. C'est bon, j'ai trouvé. Allez, Likili, c'est I Follow Rivers. C'est Fun Radio avec le son de Likili à l'instant, I Follow Rivers. Et dans un instant, nous écouterons aussi le son de Nier avec Mombi et Pitbull, ce sera Soave. Et puis je vous rappelle également qu'il y a les places pour aller direction le Starfloor à Paris, c'est l'événement Dancefloor de l'année avec Fun Radio, c'est le samedi 26 novembre à Paris-Bercy. Et donc on vous envoie là-bas tout simplement avec Florida qui sera présent, il y aura Ina, il y aura Tayo Cruz, Jason Derulo, Nicole Scherzinger, Colonel Rayel, Lucenzo, Alexandra Stan, Antoine Clamaran, Pitbull, bref, du beau monde. Si vous voulez assister au Starfloor, eh bien n'hésitez pas sans plus attendre maintenant un petit SMS au 6322 en débutant votre message par Star avec vos coordonnées complètes. On appelle quelqu'un dans moins d'un quart d'heure. 6322, débutez le message par Star avec vos coordonnées complètes. Bonne chance. Bon, Toff, toujours au taquet bien évidemment du syndicalisme. Mais toujours, je suis là pour défendre l'opprimé. Oui, hein, parce qu'en fait il a reçu un message sur Facebook. Voilà, c'est ça, l'Europe manque d'argent, une solution. Enfin, c'est un message qui circule à propos de la France, mais ça marcherait pour la Belgique aussi. 577 députés, 343 sénateurs, 30 ministres. Si on leur retire 1 000 € chacun, ça fait 950 000 euros d'économie chaque mois, soit 11 400 000 euros en un an. Bon, ce qui est une goutte d'eau dans les 1600 milliards que doit la France. Oui, c'est vrai, mais enfin, mais c'est déjà ça. Ça peut toujours servir. C'est vrai, c'est vrai. Bon, et tu veux faire quoi du coup? Mais je veux que tout le monde descende dans la rue, parce qu'aujourd'hui, on en a assez de se faire voler par les politiques, on en a marre. Voilà une bonne idée. On veut des sous. Hein, bon, on avait appelé à Oupay tout à l'heure, ça s'est mal passé. On avait appelé également il y a une heure à Oudingoni, et là ça s'était mieux passé puisque tu avais trouvé quelqu'un pour s'allier avec toi, donc mais vous oui, étiez deux. Il était prêt à venir avec moi, voilà. Il était même prêt à aller sonner chez ses voisins. Tout à fait. Et là on va appeler à Marcourt. Allons à Marcourt. Allez, c'est parti, on y va, on appelle de suite. Pas sûr que t'aies deux fois la même chance, mais... Allô, bonjour, monsieur. Allô, oui. Oui, c'est l'intersyndicale à l'appareil. Mais de quoi ça vous parlez? Je parle du fait que les politiques s'engraissent sur votre dos, monsieur, qui prennent votre argent pour vivre alors que vous n'avez rien. Et alors, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, monsieur, il faut que vous rejoigniez le mouvement, parce qu'aujourd'hui, on descend dans la rue pour dire que ça suffit, que ça cesse, que ça doit s'arrêter. Mais vous savez jamais le nombre de fois que je suis descendu dans la rue, moi? Eh ben justement, monsieur, alors aujourd'hui, il faut descendre avec tous les camarades pour demander que les politiques, ils baissent leur salaire de 1 000 € pour réduire la dette de la Belgique. Ah ben oui, ça serait une bonne chose, ça. Mais voilà, monsieur, alors c'est pour ça qu'il faut que vous rejoigniez le mouvement, que vous veniez tous avec nous et que vous descendiez dans la rue ce matin. Nous sommes pas dans un état de marché, mais enfin, bon, je suis d'accord avec vous, hein, mais... Eh ben voilà, monsieur. Nous avons 80 ans et nous sommes un petit peu... Mais ce n'est pas grave, monsieur. C'est aujourd'hui, c'est la lutte finale. C'est aujourd'hui que la révolution, elle commence. Et ça commence avec vous, monsieur. Et ça commence avec moi, monsieur. Et oui, voilà. Mais je suis bien d'accord avec vous. Eh ben voilà, monsieur. Alors ce matin, tous rejoignez le mouvement et descendez avec nous dans la rue pour demander que ça cesse, que ça s'arrête aujourd'hui, que les politiques, ils baissent leur salaire de 1 000 €. Parce que tous ensemble, ouais! Ouais. C'est vrai, vous avez raison. Voilà, monsieur. Alors, je compte sur vous. Ce matin, vous descendez dans la rue. Ça va. Merci, monsieur. Oui. Passez une bonne journée. Au revoir, merci. Ah, bah t'auras peut-être trouvé bien, quelqu'un, ouais, qui va te suivre, hein, a priori. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal, 2 sur 3 ce matin. Ah. C'est pas mal, c'est voilà, pas mal. La révolution est en marche. Comme quoi, score, tout arrive. Bien ouais, tous ensemble, ouais, c'est bon, on a compris. Bon, allez, 8h58 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous rembourse vos factures. Je vous explique comment faire juste après. Nayer et Mombi et Pitbull également, qui sera d'ailleurs au Starfloor. C'est Soave. D'ailleurs, sur Fun Radio avec Mombi et Pitbull, c'était Soave. Il est 9h01, dans un instant, remboursement des factures. On vous appellera chez vous, peut-être pour vous rembourser vos factures si vous voulez être des nôtres. Peut-être que vous allez être tiré au sort dans 9 minutes. 63-22 par SMS. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on appellera peut-être chez vous dans 9 minutes. Bonne chance. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, sur Fun Radio, juste après l'info, il y aura Lucenzo. Tiens, on va rester dans le son latino. Tiens, ça me rappelle que si vous aimez ce style de musique, hein, rencard tous les vendredis soirs aussi, minuit, 1h du mat, c'est l'Invasion Latina sur Fun Radio. Danza Kuduro, ça arrive dans 5 minutes. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. 9h sur Fun Radio, 9h02 pour être précis. C'est ma foi avec Julie. Bonjour à tous. La criminalité de rue atteint des sommets à Bruxelles. Ce sont surtout les vols à l'arraché dans les voitures qui sont en hausse. Le mois dernier, dans la zone de la police de Bruxelles Capitale XL, une moyenne de 26 vols dont des véhicules ont été commis quotidiennement, ainsi que 13 vols à l'arraché et 9 vols avec violence. Le chef de corps de la police de Bruxelles XL attribue cette augmentation de la criminalité de rue aux toxicomanes, mais davantage encore aux illégaux. Les salaires belges augmentent trop. Les salaires de travailleurs belges ont augmenté cette année beaucoup plus que ceux de leurs collègues dans les pays voisins. Dans son rapport annuel, le Conseil central de l'économie compare les hausses des salaires intervenues en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Depuis 1996, les salaires en Belgique ont augmenté de 4,6% de plus qu'ailleurs. Une des explications provient de l'absence d'index dans les pays voisins. Politique, les négociateurs se réunissent en séance plénière dès 14h30 afin de discuter du budget. Évidemment, le Premier ministre Yves Leterme met la pression sur le formateur Elodie Rupo. Il faudrait boucler le budget pour la semaine prochaine. La commission Dexia se réunit aujourd'hui. Les parlementaires entendront l'administrateur délégué de la banque, Pierre Mariani, et le président du conseil d'administration, Jean-Luc Dehaene. La commission mise en place la semaine dernière est chargée de faire la lumière sur les conditions de démantèlement du groupe. Le bijoutier Desneux a-t-il agi en état de légitime défense? L'avocat de l'un des deux braqueurs, blessé par balle, émet des doutes. Selon lui, son client avait le dos tourné lorsqu'il a été touché à la main. Il s'est étonné de la rapidité avec laquelle la reconstitution des faits a été organisée dès vendredi soir. En France, la situation s'améliore après les fortes pluies et inondations qui ont fait 3 morts durant le week-end. La situation s'apaise et 3 départements seulement restent en vigilance orange cru ce matin dans le sud-est et le sud-ouest. Le premier ministre socialiste grec Georges Papandréou quitte le pouvoir. Il va laisser la place à un gouvernement de coalition après un accord trouvé hier soir entre les deux principaux partis politiques. Le nouveau gouvernement sera chargé de mettre en œuvre le plan européen anti-crise décidé à Bruxelles fin octobre, avant des élections anticipées grecques prévues le 19 février 2012. Anthony Samaras, leader de l'opposition de droite, et Papandréou auront encore un entretien aujourd'hui pour désigner un nouveau Premier ministre et faire ensemble la composition du gouvernement. Et puis enfin, en football, hier, en 13e journée de championnat, le Cercle de Bruges s'est imposé face à Anderlecht 1-0 et le Standard a battu le FC Bruges 2-1. Et dans un instant, sur Fun Radio, Donomare Lucenzo avec Danza Kuduro. Avant ça, c'est la météo. La semaine débute sous la grisaille. Quelques éclaircies sont attendues de la région de la Campine Haute. Fagne, légère baisse des températures de 9 à 13 degrés demain, même menu pour la journée. Et dans un instant sur Fun Radio, le remboursement des factures. Si vous voulez vous inscrire, 6322, un seul numéro. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on vous appelle dans 5 minutes, peut-être chez vous. C'est peut-être chez vous qu'on va appeler si vous vous êtes inscrit au 6322. Bonne chance. Fun Radio. Fun Radio. Et l'info en plus, qu'elle était là 9h05. Ça y est, le monde a sa nouvelle Miss. C'est Miss Venezuela qui a été couronnée Miss Monde nouvelle. 2011. Elle s'appelle Iviane Sarkos, elle a 22 ans et elle a remporté donc le titre hier soir à Londres au cours d'une cérémonie qui marquait quand même le 60e anniversaire de la compétition. Ah ouais, 60 quand même, ans qu'on élit des Miss Monde chaque année. C'est beau, c'est magnifique. Oh là, ouais. C'est génial. C'est magnifique. Alors la jeune femme, pour vous la décrire un petit peu, elle a des longs cheveux. cheveux bruns, des yeux couleur jais. Elle est diplômée en ressources humaines et employée dans une société, d'audiovisuel. Ah bon ? Je pense qu'on risque de la voir bientôt à la télévision. La cérémonie a été suivie quand même par 1 milliard de téléspectateurs dans 150 pays différents. Je rappelle quand même que... 1 milliard de cochons devant leur télé. Oui. Probablement. D'accord, je rappelle quand même que RTL TV ne va plus retransmettre Miss Belgique parce que ça ne fait pas assez d'audience. Bah oui. Donc quand on sait que Miss Monde fait 1 milliard de téléspectateurs, c'est pas mal. On peut peut-être se poser des questions sur la qualité du programme aussi à un moment. Oui, la qualité de Miss peut-être aussi. Aussi, ouais, faut voir. Elles sont moins bonnes. Peut-être, peut-être. Non, 9h06. Elles sont très jolies. J'ai vu les candidates cette année, elles sont très jolies. 9h06 sur Fun Radio. Ouais, mais bon, ouais, ça c'est un autre problème, ça. Autre chose. La devinette qui colle, là, avant 9h30, on vous appelle pour vous offrir votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii, si vous avez la réponse. Donc, elle possède sa propre maison et intéresse peu les garçons, cible parfois d'aiguilles. Elle plaît surtout aux filles. Qui est-elle? La bonne réponse au 63-22. Bonne chance. Comme je le disais, c'est les petites filles en général qui jouent à ça. Elle peut être également vaudou. Voilà. Ou si gonflable. Vous avez... Ou gonflable également. Celle de toi fait gonflable. C'est vrai. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. Bonne chance. Donna Marie Lucenzo maintenant. C'est Danza Kuduro. Et on vous rembourse les factures dans 3 minutes. Le son de Don Omar à l'instant. Don Omar avec Lucenzo. C'était Danza Kuduro. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et à 9h10 sur Fun Radio, on vous rembourse vos factures comme chaque matin avec les messages qui arrivent en masse au 63-22, 75€ pour une bague, 550€ pour une amende. J'ai bien curieux de savoir ce qu'il a fait comme connerie celui-là. 1233€ pour les communications Cofidis, ah oui quand même. Hein. 63€ pour Beliacom, 60€ pour les pompiers, pour Nidgep, 165€ pour l'immatriculation, 90€ pour Luminus. Bah voilà, il y en a plein qui arrivent au 63-22 code facture. Les messages qui arrive en masse et on appelle, on va rembourser combien Lob? Alors on va rembourser 60€ pour les pompiers, donc pour Nidgep. Ah oui, le Nidgep. Ils sont gonflés comme de facturer ça quand même. Ah, ils sont déplacés. Bah oui, mais bon, à ce moment-là, il vaut mieux se faire piquer par les guêpes, à ce moment-là, du coup, ils se déplacent gratuitement. Je suis pas convaincu. Ça. Non, faut voir. Je crois pas. Voir. Je crois que quoi qu'il arrive, tu payes quand il se déplace. Ah ouais. Bon, ben on verra bien en tout cas. Bon, allez, 9h11, c'est parti, on appelle. Si la personne qui s'est inscrite décroche et répond Fun Radio ou Mickaël à la question que je vais poser, eh bien, elle repartira avec le remboursement de la facture. Allô? Oui? Oui, bonjour? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, ben voilà. Qui paye les factures? Faut que je fasse la règle. Hein. Qui paye les factures le matin? Fun Radio! Eh ben voilà! Oh, comment tu t'appelles? Nancy! Nancy, t'as quel âge et dans quelle ville, Nancy? J'ai 31 ans, j'habite Warcha, à Tournai. À Tournai, d'accord, ok, très bien, une ch'ti. Très bien, très bien. Bon, Nancy, t'avais des problèmes avec des guêpes? Oui, malheureusement, oui. Un énorme nid, mais ça va, elles sont parties là? Ah ben. Et oui, heureusement, heureusement, les hommes en uniforme sont venus t'aider. Avec leurs costumes et leurs armes. Et oui, avec leurs armes, bien sûr. Bon, eh ben écoute, Nancy, on va te rembourser tes 60€, alors, hein, y a pas de problème. Un grand, grand merci, en tout cas. Y a pas de problème, je te fais des bisous, Nancy. Merci, au revoir, bonne journée. Je t'en prie, gros bisous à toi également. Dans un instant, il y aura l'horoscope de Doudou, comme d'habitude. Et puis, juste après, on va prendre quelqu'un qui s'est inscrit pour le code, qui est pour le code, avec le code STAR au 6322 pour repartir avec ses places pour l'événement Dance Floor de l'année, l'événement Fun Radio. C'est le Star Floor le samedi 26 novembre à Paris-Bercy. Si vous voulez, vous aussi, gagner vos places, vous avez encore 2 minutes pour vous inscrire, enfin 3 pour être précis. 6322, débutez le message par STAR avec vos coordonnées complètes. Le gros événement avec toutes les plus grosses stars dance floor de l'année, avec Florida, Ina, Tayo Cruz, Jason Derulo, Alexandra Stan, Antoine Clamaran, Colonel Rayel, Pitbull, etc., etc. 63-22, code star, bonne chance. Puis on va s'écouter un de mes sons préférés encore pour l'instant. À 9h13, on écoute Tini Tempa et Wiz Khalifa. C'est Till I'm Gone sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, 9h13, c'est Fun Radio. Tini Tempa à l'instant sur Fun Radio avec Wiz Khalifa, c'était Till I'm Gone. Il est 9h16 sur Fun Radio et nous allons faire l'horoscope. Fun Radio, l'horoscope. Et oui, c'est l'horoscope maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Ah bah je suis d'accord avec elle. Bah oui. Oh mais j'en ai marre. Bah oui, je suis d'accord avec elle, effectivement. Ah oui, je vais trop mentir. Exact. Je gagne rien dans cette émission. Elle a dit ce qu'il faut quand il fallait. Je suis obligé d'avoir 3 travails pour gagner ma vie. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien, rien, rien. Mais moi, bon. je vous laisse parler hein, dans ces cas-là. Mais oui, bah oui, de toute façon, t'as pas le choix, t'étais pas là. Dans vos délires. Bah, enfin, bien sûr que si, j'étais là. Mais oui. Bon, 9h17, c'est l'horoscope maintenant. Tiens, Doudou, vous croyez aux extraterrestres? Bah, évidemment. Sans eux, comment est-ce qu'on aurait fait pour construire des pyramides? Vous croyez quoi? Que c'est vraiment Obélix qui a été arrivé, qui a fait sauter les pierres sous son ventre? Non, mais enfin, il avait... Ils avaient peut-être des techniques. Mais ah oui, bien sûr, bien sûr. Il a fallu plus d'un an pour construire un gouvernement. Vous allez me faire croire que là-bas, hein, avec l'aide de personne, ils faisaient quoi? Des pyramides il y a 2000 ans? Mais rien du tout. Oui, vous avez raison, Doudou. Vu comme ça, effectivement, il n'y a pas de doute. Tiens, vous n'avez plus qu'à signer la pétition pour qu'Obama ouvre les dossiers sur les extraterrestres. Tu sais, les fameux X-Files. Mais qu'est-ce que vous me racontiez là? Bah, Obama a dit que si une pétition atteignait les 250 000 signatures, il donnerait une réponse. Il y a donc une pétition pour connaître la vérité sur les extraterrestres. Mais bon, pour l'instant, il n'y a que 12 500 signatures. Ah oui, on n'est pas arrivé, quoi. Bah, c'est ça. Bon, allez, les béliers, Doudou, on va pas perdre de temps. Bah oui, ne perdons pas de temps. Essayez d'éteindre, pardon, tous les feux qui s'embrassent. Concentrez-vous sur votre travail et prenez un peu de distance. Les taureaux. Défendez plus adroitement vos positions. Les gémeaux. Travaillez à votre capacité d'accepter la critique. Tous les conseils ne sont pas négatifs. Les cancers. Vous êtes à envier. On vous fait une proposition intéressante sur le plan professionnel. Et cela va renflouer votre compte en banque. Les lions. On en parlait ce matin. Bah oui, les lions. Vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important dans votre vie. Les vierges. Si vous n'arrivez pas seul, demandez l'aide d'un ami ou d'un expert, enfin. Mais oui, les balances. Après la traversée du désert, tout s'arrange, ne vous découragez pas. Les scorpions. Si vous êtes la cible de critiques, ne réagissez pas violemment. Les sagittaires. Aujourd'hui, personne ne pourra vous retenir à la maison. Vous êtes plein d'énergie comme en début de printemps. Les capricornes. Une fois encore, votre bon cœur et votre générosité vont être exploités. Les verseaux. Parfois, vous avez l'impression d'être incompris. Ah, la cause du problème, c'est peut-être vous. Eh oui, peut-être. Et enfin, les poissons pour finir. Ne vous laissez pas freiner, car tous les problèmes ne se règlent pas en un jour. Ah non, ça c'est sûr. Merci Doudou, on vous retrouve demain. Ah bah oui, à demain. Eh bah voilà, oui. À demain Doudou. Mais oui. Et puis on va prendre quelqu'un maintenant qui s'est inscrit au jeu Starflore pour repartir avec les places pour le Starflore justement. Allô, allô, bonjour, qui est là? Attends. Ah oui, attends. Ah bah voilà. On appelle en direct, donc voilà. Bah oui, justement. Oh là là, je vous jure. Ouais, c'est parti, ouais. Il y aura David Guetta. David Guetta, Usher, après aussi avec Without You sur Fun Radio. Il est 9h20. On parlera aussi de L'amour est aveugle. C'était la grande émission qui était diffusée vendredi soir. Avec un grand présentateur. Ah oui, grand présentateur de talent. Ouais. Oh là là. D'ailleurs, Julie aimerait bien le serrer. Elle nous a dit, franchement, je le kiffe. Ah non, il est affreux. Allô ? Oh, c'est le répondeur. Ouais, tu as vu, il est quand même très Starflore, le répondeur. Ouais. Ouais, peut-être pas laisser le message, tant pis. Hein. Non, moi, je trouve que pour ça, on appellera tout à l'heure quelqu'un d'autre. Bon, bah, du coup, si vous voulez choper vos places pour le Starflore, 6322, code Starflore avec vos coordonnées complètes. On donne la réponse aussi de la devinette qui colle dans un instant. Et on écoute le son de David Guetta maintenant. Je vous l'ai promis, David Guetta, Usher sur Fun. À 9h20, c'est Without You. Le son de David Guetta sur Fun Radio, c'était Without You, il est 9h24, bon réveil tout le monde. Dans un instant, c'est Lucas, le grand retour de Lucas, après son opération dans de sagesse, là, il sera de retour pour le self jusqu'à 13h, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques instants. Et puis, nous allons prendre maintenant quelqu'un, avant de prendre quelqu'un pour la devinette qui colle, nous allons prendre quelqu'un maintenant pour les places pour le Starflore, le gros événement dancefloor de l'année, c'est samedi le 26 novembre, donc dans 15 gros jours, on va dire, hein, dans 2-3 semaines, avec Florida entre autres, Tayo Cruz, Nicole Scherzinger, le colonel Rayel, Alexandre Astan, Antoine Clamaran, Pitbull et tous les autres. Et nous allons prendre qui maintenant au standard? Alors on a Christelle de Rebec. Salut Christelle de Rebec, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Toi? Bon, tant mieux, oui, ça va bien aussi, Christelle. Bon, dis-moi, t'appelles de Rebec, donc c'est très bien. Tu t'es inscrite au 6322 code star pour repartir avec tes deux places? Oui, tout à fait. Et ben voilà, c'est plié, c'est pour toi. Deux places pour le Starflore. Super, super. Voilà, merci beaucoup. Avec la radio. Ben avec plaisir. Tira avec la personne de ton choix, donc Paris-Bercy, pour accueillir et applaudir surtout Florida, Ina, je l'ai dit, Nicole Scherzinger, Colonel Rayel, Jason Derulo également, entre autres, et Pitbull. Et puis peut-être que lundi prochain, on t'appellera de nouveau dans l'émission pour te dire que tu gagnes tes places avec le transport, l'hébergement et en plus de ça, avec la rencontre avec Jason Derulo. Mais ça, on verra lundi. D'accord? Ça, c'est super. Mais bon. Très bien. Eh ben, y a pas de souci. Je te fais des gros bisous en tout cas. Merci, bisous. Salut. À vous, ciao. Bon, ben voilà, c'est une bonne chose de faite. Et puis, dans un instant, il y aura, donc, comme je le disais, la possibilité de repartir avec l'écran plat, comme promis, l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. Mais avant cela, petite.

Voilà, ça va bien. Ça va. Ouais, non, ça va super. En pleine forme. En plus, c'est bonne nouvelle. Il a arrêté de fumer et tout. Il est au top. Tout va bien. Au top. Il s'emballe déjà là. Ouais, c'est ça. Il s'emballe un peu. Bon, dans un instant, donc Lucas, il y aura Jasmine avec Pure Dance Floor à 13h et puis le retour évidemment des vannes et toute la tribu à 17h avec Julien Doria, Noémie et Monsieur Milan et puis la libre antenne bien sûr avec l'abbé et Vince notamment et Cathy à partir de 20h. La bonne journée tout le monde. La bonne journée Julie. La bonne journée tout le monde. Salut à Lob, salut à Toff également salut. Et on se retrouve demain dès 6h. Ciao. Il vous manque déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.